Bueno, vamos a comenzar una conferencia aquí en Endiagne. ¿Preparados? Inviter tout le monde. Voilà, donc vous venez, nous vous en sommes reconnaissants. Et sur ce, donc, ce qui nous réunit ici, et dans ce milieu d'ailleurs, à plus d'un titre, il faut le dire, nous sommes dans un temple de savoir. Et quand on dit temple de savoir, c'est un milieu de bouillonnement intellectuel. Un milieu de brassage également culturel, il faut le dire. Puisque c'est effectivement la situation, bien sûr, qui oblige certaines choses que l'on fait de façon improviste, cette réunion également en est une. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde réputé être un monde de globalisation ou bien un monde de mondialisation. D'ailleurs, vous tous ici, certains, c'est même l'objet de quelques cours chez vous. Puisqu'on parle de monde de globalisation ou bien de monde de mondialisation, ou bien de monde de village planétaire, nous allons comprendre que, par là, on va comprendre que personne n'est plus seul. Chacun engage tout le monde. Chacun a un lien avec l'autre, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est plus Sénégal seul, ce n'est plus l'Afrique seul, ce n'est plus une zone géographique ou bien sous-régionale quelconque, mais c'est un tout intrinsèque, comme on dit. Nous tous également ici sommes concernés par ce qui se fait ailleurs. Que nous soyons d'accord, que nous ne soyons pas d'accord, que nous soyons invités, que nous ne soyons pas invités également, nous sommes tous impliqués par, bien sûr, ce qui se fait ailleurs. Je ne vais pas être long sur ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, nous, bien, je vais dire le club anglais, espagnol, anglais, littérature, histoire, géographie et tout, s'est réuni pour mettre à profit un peu le séjour de Monsieur Blanco, effectivement, chez nous, juste pour pouvoir avoir le point de vue ou bien l'opinion de l'averti ou bien de l'initié sur pas mal de points que nous allons bien sûr décortiquer ici, puisque nous sommes au 21e siècle, ce n'est plus l'ère de la théorie, mais c'est plutôt l'ère de on voit, on entend. Tout ce qui sera développé ici, comme nous, professeurs, nous vous demandons de nous illustrer un peu vos avis ou bien vos paragraphes dans un devoir, c'est comme ça qu'on va vous illustrer tout ce que l'on aura à dire aujourd'hui ici. Vous allez vous être interrogé ce matin sûrement en voyant l'affiche où l'on vous a montré des Africains qui tendaient la main pour un pain qu'on a jeté comme ça. Ça peut-être ne vous surprend pas. Vous l'avez vu N fois, plusieurs fois à la télé, vous en avez entendu parler à la radio. Je crois que l'image qui attire le plus votre attention serait le fait de voir des blancs, bien des blanches, se faire molester, rouer de coups par les poulets, excusez-moi du terme, pour parler les policiers. Et ça a choqué plutôt ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Nous, en Afrique, on s'apitoie assez souvent sur notre sort. Ça ne va pas, c'est pas bien, rien ne marche. Le gouvernement n'a rien fait, patati, patati, tellement de choses. Et cela nous amène jusque même à dire peut-être que la clé n'est pas ici. Tentons l'aventure. Allons-y vers des cieux que nous considérons être peut-être, c'est là où le soleil pointe par nous, pour nous, autant pour moi. On considère. Mais puisque je disais tout à l'heure qu'on est dans un monde de globalisation, pense-t-on pouvoir fuir des réalités ici et retrouver le confort là où nous allons? Est-ce que là où nous allons même n'est pas plus exposé que nous? Ou bien ne vit pas plus de problèmes que nous? C'est là où se situe le hic. Autrement dit, c'est là où se situe l'interrogation, la question, si vous voulez. Voilà un peu le sens que cette initiative-là a juste pour remettre la parole à Monsieur Blanco, effectivement, pour qu'il puisse nous montrer effectivement le cocktail qu'il nous a concocté cet après-midi. Et puisque on a l'habitude de dire que nos genres de débats-là sont divisés en deux parties. Bien sûr, la première partie sera l'exposé qu'il aura à faire pour votre gouverne, et l'autre partie sera le complément. Le complément sera juste ce qui proviendra de vous et de nous, peut-être, qui sommes des assistants. Je ne vais pas manquer avant de terminer de présenter Amadou Ba qui est là, Monsieur Ba, Seigneur Ba, que vous connaissez mieux. Lui également, il n'est pas l'un des moindres, parce que c'est quelqu'un qui a eu à vivre en Europe, plus précisément en Espagne, et encore plus précisément aux îles Canaries, je crois, avec Monsieur Blanco et tout. Donc, il s'y connaît un peu mieux. Alors, il est lui aussi parmi les initiés. Donc, lui également, en compagnie de Monsieur Raphaël, sont nos hôtes d'aujourd'hui, en quelque sorte. Et là, je nous invite, c'est-à-dire vous et moi, à ouvrir grandement les oreilles, les yeux, et d'essayer de profiter de ces quelques instants ô combien instructifs. Et je crois que vous allez également transmettre ce qui sera dit ici. Parce que qu'est-ce qu'on dit souvent? L'adage dit, un homme averti en vaut deux. En Wolof, nous disons quoi? Ben gis mogul temeri netali. Qu'est-ce que Wolof disent? Ici, il n'y a pas de théorie. C'est vrai, on fait du blabla, c'est-à-dire en essayant d'expliquer ceci, mais tout sera vu et entendu. Ce qu'on appelle les coulisses, ce que l'autre ne vous montre pas, ce que vous ne voyez pas. Alors qu'on vous a fait toute une littérature sur ce qui vous environne vous-même, vous êtes impliqué jusqu'au cou. Que vous le sachiez ou pas, que vous le veuilliez ou pas. C'est ça les réalités. C'est ça qu'on va vous montrer, qui se situe, ce qui ne se dit pas. Comme dans les grandes émissions télévisées américaines ou bien françaises, où le journaliste d'investigation aime créer le sensationnel chez ses auditeurs et ses téléspectateurs. Moi aussi, c'est dans cette même lancée que je m'inscris juste pour vous inviter encore une fois, mesdames et messieurs. Bien sûr, mesdames et messieurs, l'Académie dit qu'aujourd'hui, aux dames, il faut les appeler madame. Si on ne sait rien d'elle, disons madame. Parce que je crois qu'il est mieux de dire madame, on vous dit non, pardon, c'est mademoiselle, que de dire mademoiselle, on vous dit pardon, c'est madame. Alors, pour ce titre-là, donc, je nous invite encore une fois à ouvrir grandement vos oreilles et vos yeux. Vous allez entendre et vous allez voir, le reste sera à vous. Je vous conseille également de prendre note sur ce qui peut-être pourra passer, qu'il aura à signaler ici et qui n'est pas clair à votre endroit, vous notiez, pour qu'après, quand même, cela puisse être un débat entre eux et vous, entre nous, je dirais même tous. L'interactivité, l'interaction, je dirais même, parce que ce n'est pas uniquement lui qui vient faire son exposé et s'en aller. Non, ça vous concerne, il parle à vous. Et ce qu'il dit aussi, vous en savez quelque chose. Et vous avez votre mot à dire dessus. D'autant plus, vous êtes des intellectuels. C'est ça, intellectuels. Il ne faut pas vous sous-estimer. Ce qu'on dira ici, il y aura une part qui sera rapidement comprise par certains d'entre vous. Parce que vous le voyez à la télé, vous l'entendez à la radio. Bon, c'est sous, c'est la vie. Partout, c'est la même chose. Europe, Afrique, Asie, Amérique, Océanie. On parle de globalisation. On parle de village planétaire. Et c'est par là où je vais terminer. Qu'est-ce qu'un village planétaire? Pourquoi disent-ils village planétaire? Parce que il parle de quoi? Retrécissement des distances. Il parle de quoi? De fait qu'on annule maintenant les frontières. Dans un village, il n'y a pas de frontières. Dans un village, nulle part n'est loin. Tout le monde est concerné. Ou bien tout le monde est famille, est parent dans un village. Voilà le concept qu'on a donné au monde actuellement. Nous sommes tous dans un même petit village. Alors, ce que l'un fait va concerner forcément l'autre. Alors, Monsieur Raphaël, pour ne pas tirer en longueur, je m'en vais vous laisser nous présenter ce que vous avez préparé pour nous. Votre attention. Merci, Monsieur Si. Merci à tous, et spécialement à Amadou, à Willan et à Bas, qui ont été dans la création de cette idée d'échanger. Alors, moi, j'essayerai de ser court, même si ce que je dois transmettre, c'est compliqué. J'essayerai d'être court pour que vous pouvez poser des questions et me dire, surtout, je pense, beaucoup de fois, je ne crois pas ce que tu es en train de dire. Je pense que vous le direz, vous le penserez ça. Alors, on commence pour une première image de l'Espagne, que je pense qu'elle est connue pour tous. Première carpeta, première photographie. Voilà. C'est ça. qu'il a rendu encore. Voilà. Voilà. Je pense que beaucoup de monde pourront me dire sa image correspond à où, où est-ce qu'elle a été prise. Quelqu'un connaît où a été prise cette image-là? Où? Où a été prise l'image? Vas-y, vas-y. Dans là? Dans l'Internet? Oui, bien sûr. Mais le photographe, il a photographié l'équipe espagnole où? À un stade. À un stade où ils ont gagné la Coupe du Monde. C'est où, cet stade? Voilà. C'est le même stade où on a fait l'hommage à Nelson Mandela, tout récemment. Voilà. Que l'Espagne a gagné la Coupe du Monde, je pense que vous l'avez entendu. Qu'il y a au moins deux équipes de football assez fortes là-bas, ça est aussi connu ici, n'est-ce pas? Par exemple, une équipe espagnole de football, c'est quelle? Une équipe? Vas-y. Une équipe, tu ne connais pas, vers les garçons? Une équipe espagnole? Barcelone. Encore il y a une autre qui est Real, voilà. Barcelone, Real, ça on les connaît, non? Alors l'Espagne est bien, l'Espagne est cool, parce que là-bas, il y a Messi, il y a des joueurs même africains parfois aussi, qui jouent dans des grandes équipes, qui gagnent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'immigrants là-bas, des modu-modu, qui ont construit ici de belles maisons, n'est-ce pas? Voilà, alors l'Espagne c'est bien? Voilà, bien pour l'Espagne. L'Espagne c'est bien. Football et argent, il y en a tout, Jalis. D'accord, jusqu'ici nous sommes d'accord, mais à partir d'ici peut-être on n'est pas d'accord. On entre dans les deuxièmes. Espérate que me he perdido yo. Joder. Sí, abusos policiales. Vamos a poner la primera foto. Sí. Vamos a irlas pasando poco a poco, ¿vale, Magu? Nosotros nos callamos y simplemente las pasamos. ¿No? ¿Me puedo guardarle sin más? Bueno, son, no son bastante grandes, a ver. ¿Vos veis la imagen? Uy, es visible, ¿no? El gobierno se ve forzado a investigar los abusos policiales. ¿Encore? Vous voyez que là-bas, c'est un handicapé, la personne qui est en train d'être frappée par la police. C'est un handicapé, c'est visible, non? Chez nous, quand il y a des manifestations pour l'éducation publique, les professeurs, les enseignants, nous portons des chemises vertes. Lui, il n'a pas eu de chance dans la manifestation, ça semble. C'est le professeur. C'est un professeur, oui. Mm-hmm. Bien. Et ces images-là ne sont pas une exception. Actuellement, presque chaque semaine, on peut prendre des images similaires en Espagne. Je suppose qu'ici, vous n'avez pas vu ces images dans la télé. Est-ce que moi, je me trompe? Normalement, si, toi, tu n'avais pas vu ces images dans la télé. Amadou, toi non plus. Tu n'as pas... Voilà. Espagne, année 2016. Ça fait un mois, 200 immigrants espagnols, 200 immigrants espagnols qui se retrouvaient à la Belgique, ont été expulsés du pays. Comme de la même façon que les Sénégalais ont été expulsés de l'Espagne, et jusqu'à présent on expulse des Africains. De la même façon, il y a des citoyens espagnols qui ont parti chercher du travail dans la propre Union européenne, en Belgique, et ils sont en train d'être refoulés. Ça aussi, on ne le dit pas dans la télé. Mais moi, je vous défie, à vous, à vos collègues, les enseignants aussi, à chercher dans l'Internet, partout, si ces données que je suis en train de vous donner sont fausses, ou sont des vraies données. Il y a des Espagnols qui sont en train d'être refusés, comme des immigrants, oui. Dans d'autres pays. Vous entendez ce que Raphaël a dit. Ah, si je ne parle pas à toi, vous dites que je suis augmenté un petit peu. Derrière, d'accord. C'est bon. D'accord. Attends. J'ai poussé un peu la voix. Je disais, d'accord, nous sommes en Espagne 2016 et actuellement il y a des Espagnols qui émigrent. Qui émigrent, qui arrivent dans d'autres pays européens où ils sont refoulés parce que l'État, par exemple, la Belgique a dit. Ça sont des immigrants espagnols, sont des immigrants européens, mais quand même, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent et ils peuvent devenir un problème pour nous. Une dépense supplémentaire pour l'État de la Belgique. Alors, on va les expulser et on les expulse. Il y a des Espagnols qui sont en train de travailler dans des grandes sociétés à l'étranger, comme Amazon, qui a sa base en Allemagne, et que les services de sécurité de cette société peuvent entrer même dans sa maison pour les fouiller, voir qu'est-ce qu'ils ont ou les poser des problèmes. Mais en Espagne, ce sont des immigrants qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Comment expliquer qu'il y a des immigrants à l'extérieur et qu'ils commencent à avoir ces situations pénibles similaires à situations qui pendant des années et des années les Africains sont en train de passer. En Espagne, il y a des logements, des maisons. Il y a des personnes qui avaient une maison, ils ont payé à la banque la moitié de la maison, et pourtant, un jour, ils ne trouvent pas de travail. Ils ne peuvent pas payer ce qu'ils doivent payer à la banque. Et la banque, il reste avec tout ce que tu avais cotisé pendant 10, 20 années, mais en plus, il t'enlève la maison et toi, tu es désalogé. Et là-bas sont les protestes, là-bas sont les manifestations et là-bas, les politiciens ordonnent la police d'agir comme vous avez vu maintenant. Je pense que ces informations sont un peu étonnantes parce que depuis 2 mois, je suis ici invité pour Amadou et j'habite chez des amis sénégalais tous les temps. Et je vois que la gente ne connaît pas ça encore. Mais nous, en Espagne, nous avons commencé à connaître ça, ça fait quelques années. Mais pas beaucoup. Tout a passé très vite. On était vraiment à El Dorado. Presque chacun pouvait avoir une maison, une voiture. S'il n'y a pas une maison, tu pouvais louer. Tu pouvais avoir un travail. Les immigrants ont venu. La gente était sympa avec les immigrants. Ah, mais regarde, lui, il est d'une autre culture. Lui, il est un arabe. Non, regarde, mais lui, c'est sénégalais. Mais il n'est pas arabe, il n'est pas musulman, il est chrétien. Non, c'est vrai. Il faut l'inviter à la maison un jour, on va parler avec lui. Je pensais qu'ils sont tous des musulmans là-bas. Et là, des chrétiens aussi. Oui. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Il avait l'amitié, il avait la tranquillité parce que les gens avaient des postes de travail. Et les immigrants venaient prendre la place là où il manquait de travailleurs. Mais pourtant, à partir de l'année 2008, il y a beaucoup de choses qui sont passées jusqu'à maintenant, très vite, jusqu'au point qu'on n'a eu pas le temps de comprendre bien ce qui s'est passé. Mais, en bonjour, les Espagnols, on y apprend beaucoup de vocabulaire. D'abord, ils ont y apprend un très vieux vocable grec, crisis. D'accord. Mais après, on y apprend aussi ajustement économique. Ce que vous, les Sénégalais, vous avez appris dans l'année 94, n'est-ce pas? Et c'est un mot qu'on a appris à partir de l'année 2008. C'est difficile, il faut girer le mot. Parce que ces mots, c'est les politiciens qui nous l'ont mis dans l'agenda. Crise, ajustement économique. Beaucoup de monde ne connaissait pas en Espagne. Qu'est-ce que ça signifie? Crise. Ah, vous faites comme ça, crise. D'accord. Banco Mundial. Fondo Monetario Internacional. Voilà, et encore, bien sûr, paraíso fiscal. Je pense que ça ne vous pose pas de problème, les mots paradis fiscaux, crise, ajustement économique, Banque mondiale, Fonds monétaire international. Mais quelques précisions seront faites, et là-bas, Missy, mais aidera. D'accord. Alors, à partir de 2008, on commence à connaître ces mots. Mais ça vient comment? Ça vient à partir des États-Unis. Aux États-Unis, la banque a fait, disons que différentes banques ont fait des opérations bancaires irrégulières ou illégales. En Europe aussi. Le problème a démarré premièrement aux États-Unis, parce que le moment où on a connu ces opérations illégales, les banques ont répondu comme ça. Regardez, on a perdu de gagner de l'argent. On pourrait avoir gagné plus de l'argent. Et pourtant, on trouve moins, il va voir notre banque, il faudra les fermer. Mais si on ferme notre banque et les banques de cette autre et cette autre, vous, tous les paysans, tous les citoyens, vous aurez un problème très grand. Alors, il faut nous sauver, il faut nous rescater. Et c'est comme ça que les différents dirigeants, autant Sarkozy, Zapatero en Espagne et Obama, ils ont décidé de donner l'argent public aux banques. Mais normalement, sont les banques qui donnent l'argent à les personnes, non? Non, la chose a changé. Maintenant, c'est nous, les citoyens, qui donnons l'argent à les banques. Ce sont des décisions qui ont été prises pour tous ces dirigeants. Et quand ils ont pris cette décision, ils ont dit, d'accord, nous donnerons cet argent aux banques, mais on va faire une révision de toutes les finances mondiales et on va éliminer les paradis fiscaux. Ces places-là où les criminels et les personnes qui ne vont pas payer des impôts peuvent cacher son argent. On va éliminer les paradis fiscaux, Obama l'a dit, Angela Merkel, la présidente de l'Allemagne, l'a dit. Et aussi, Sarkozy l'a dit. D'accord. 2009, ils ont dit ça. Mars 2009. Nous sommes 2016. Rien n'a été fait. Il continue à exister 34 petits pays, très petits, souvent sont des îles, où les voleurs de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe cachent l'argent qu'ils ont volé. Soit avec le trafic des armes, des drogues, soit simplement volant de l'argent public, soit en gagnant avec d'autres business. Ces paradis fiscaux continuent à exister. Les problèmes de gestion de le financement global qui ont créé la crise continuent à exister jusqu'à présent. Rien n'a changé. Le système n'était pas réparé. Alors, comment ça nous affecte à nous, les Espagnols? Ah, il y a un autre mot qu'on ne connaissait pas et maintenant on connaît. Fondo d'inversion. Fondo d'inversion. Comment podemos decir eso, sí? Fonds d'inversion. Fonds d'inversion. Inversion, d'investissement, je pense. C'est-à-dire, c'est une société où quelques personnes mettent ensemble tout son argent et les gèrent ensemble pour avoir le maximum de bénéfices. Les plus grands fonds d'inversion peuvent arriver à avoir des sommes incroyables, même plus qu'un pays. Mais en savant ce qui se passe dans la bourse dans le monde, il peut provoquer des mouvements internationaux dans la gestion des finances. Et à New York, il y a eu un rencontre entre 5 fonds d'inversion. Ils sont retrouvés à un resto et ils ont décidé d'attaquer l'euro. Attaquer l'euro dans les pays les plus faibles de l'Union européenne. Et là-bas, notre pays a entré. Ils nous ont dit que nous sommes pigs. Porcs, en anglais. N'est-ce pas? Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Espagne. Alors, dans cette réunion, dans une chambre réservée d'un resto très cher de New York, ils ont décidé de crever notre économie. C'est-à-dire cinq personnes, ils ont dit, avec notre argent, notre connaissance, notre influence, on va faire crever les économies de ces pays. Et comme nous avons l'information d'abord, avant de que ça puisse passer, on peut gérer les finances pour faire sortir un profit. Alors, il y a beaucoup d'argent de la Portugal, de l'Irlande, de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne qui, comme ça, par art de magie, a passé de notre poche vers la poche de ces 5 personnes. Non, c'est pas vrai. Consultez, cherchez, inquérez. Si c'est pas vrai, contactez-moi. Je laisse ici mon téléphone et mon courrier électronique. Et encore, je continue à Sénégal quelque temps. Si quelqu'un trouve que ce n'est pas vrai, s'il vous plaît, contactez-moi. S'il faut corriger, il faut corriger. Mais je pense que vous voyez que c'est tristement la vérité. Alors, à partir de ce moment, le mot crise, a commencé à passer partout. Mais une fois que quelques personnes ont arrivé à savoir et à passer l'information de comment s'est passé vraiment ça, est-ce que nous pouvons parler de crise ou bien nous devons parler de vol organisé? Bueno, en Espagne, Dans l'année 2009, on a eu la patience. Dans l'année 2010, on a eu la patience. Mais chaque fois, a commencé à être plus difficile. Parce que pour payer tout ce que notre gouvernement a donné à la banque d'un côté, et tout ce que ces autres gars ont pu nous enlever, il fallait retirer l'argent des services publics, réduire l'argent de la santé, réduire l'argent de l'éducation, réduire l'argent des droits sociaux. Et ces personnes qui ont des dettes avec des banques, les retirer les maisons. Et le travail a disparu. L'argent n'avait pas d'argent pour investir, pour créer des sociétés. Alors, tu n'as pas la possibilité de créer une société ou faire un business. L'autre ne peut pas aussi travailler dans ton business. Alors, il n'y a pas de travail. L'argent a commencé à sortir, faire des demandes à la rue. C'est l'année 2011-2012, vous avez entendu parler des indignados. Les indignés. Voilà. C'est un mouvement qui a déclaté en Espagne, dans ce moment. On était indignés parce qu'on a compris qu'ils nous ont volé et nous ne pouvons rien faire. Alors la gens a commencé à sortir dans la rue, demander plus de démocratie, lutter contre la corruption, etc. Pendant quelques mois, on a continué à être dans la place. Même on a commencé à habiter dans la place. On a passé les demandes à la place. On a resté à la place. Mais une fois que les élections sont passées, les mesures policières ont augmenté pour éviter que l'agent se réclame. Et c'est dans cet état que nous sommes là, nous sommes actuellement. Alors, il y a un côté encore plus grave dans tout ça. C'est que une fois qu'on a payé les banques et une fois qu'ils nous ont volé pour cet côté, n'était pas assez. Il fallait encore que notre pays perde sa souveraineté et qu'il soit gouverné directement pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les banques européennes. Directement ou pas directement? On va voir le cas de la Grèce. C'est le laboratoire d'Europe. C'est le laboratoire de la crise ou bien du vol organisé en Europe. On va passer dans les autres photos. Bueno, ça c'est la Grèce, ça c'est la siège d'un parti qui, le moment où la Grèce a tombé dominée pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est-à-dire que les politiciens ne décident pas les mesures ni les lois du pays. C'est un organisme extérieur qui décide ce qu'on fait à la Grèce, actuellement, depuis déjà quelques années. Dans ce moment-là, les fonctionnaires ont été virés du travail. Les salaires ont été réduits à la moitié parfois. Ils ont élevé beaucoup de services publics. Et qu'est-ce que la population a fait? Commencer à voter l'extrême droite, le néo-nazisme. Des gens qui suivent à Hitler, vous savez? Hitler, merci. Alors, il y a une situation d'extrême droite, extrême gauche. Beaucoup de fois, les gens en Grèce ont contourné le Parlement pour faire des protestes. Et même, finalement, ce ne sont pas la police grecque qui intervient, mais les Blackwater, qui est un groupe de policiers privés nord-américains qui s'est enrichi à l'Irak. C'est-à-dire, les mêmes militaires non gouvernementaux qui actuent à l'Irak actuent en Europe, dans un pays comme la Grèce. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Amadou. C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous voyez, c'est les nazis. Ils n'ont pas tous les contrôles du Parlement, mais ils ont pris une grande partie. Et pourtant, l'Europe n'a rien fait. N'a pas interdit ça. Ils ont continué à développer les mesures d'ajustement économique, mais ça ne les a pas intéressés, n'ont rien fait. Et pourtant, ces néo-nazis sont appuyés et sont en train d'appuyer à des néo-nazis dans le reste d'Europe. En France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc. Souvent, là où il y a des gouvernements très à la droite, il prend des services publics de sécurité dans des sociétés de sécurité où les militants, les travailleurs ont idéologie nazi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les laboratoires grecs a donné le résultat de que la population a vu des ennemis. D'un côté, ces structures internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international et Banque européenne. Mais sont des ennemis qui sont loin. On n'arrive pas à pouvoir les frapper. Alors il faut aussi un ennemi plus proche. Et c'est qui? C'est l'immigrant. Parce que l'immigrant, il habite à côté de toi, il a moins de droits, il a plus de problèmes. Il est plus visible. Alors, si tu as la haine parce que tu passes des problèmes, au lieu de te battre avec un riche qui habite dans une maison où tu ne peux pas entrer, tu cherches un immigrant. C'est ça que ce parti est en train de développer en Grèce. Est-ce que l'Europe est vaccinée contre le nazisme? C'est une question que je vous pose pour que vous puissiez développer après. Est-ce que l'Europe est vaccinée contre la maladie du nazisme? Alors, ça c'est le laboratoire grec. En Espagne, comme en Italie, en Irlande, ils n'ont fait pas tellement fort. Ils ont vu l'expérience d'Espagne, ils ont réduit les degrés. Ils ont réduit les degrés de... le degré de réalisation des mesures. Alors, ils ont changé la stratégie pour faire la même chose, mais en dang. Les partis qui étaient au pouvoir en Espagne, les socialistes, avec l'autre parti de l'opposition, ils ont décidé de faire une chose qui jamais n'était pas faite, changer la Constitution. Sans référendum, sans rien, ils ont changé la Constitution pour permettre que les paiements aux banques mondiales, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne, soient plus importants que les paiements des dépenses sociales du pays. Ouais, je pense que ça manque 7 minutes maximum. Venga. Alors, actuellement, on a chômage, il y a des chômages, il y a des allogements, il y a une corruption très visible et très grave dans la famille royale, dans les mêmes présidents du gouvernement et le reste de tous les partis qui ont au pouvoir, a été pris dans un cas de corruption flagrante. On les connaît partout. C'est-à-dire les trésoriers, la personne qui a mené la comptabilité du parti au pouvoir en Espagne, lui, il a été pris qu'il avait des comptes en Suisse. Et à partir de là-bas, ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé qu'il avait une comptabilité A et une comptabilité B dans les partis. Et dans la comptabilité B, il avait beaucoup de sociétés qui payaient les politiciens pour qu'ils fassent les décisions, pour qu'ils mettent en place les lois et les décisions qu'ils arrangent. Alors, on connaît ça. Mais, au moment d'aller vers la justice, soit ils sortent, soit ils sont condamnés. Mais s'ils sont condamnés, il y a une grâce présidentielle qui vient pour les enlever de la prison. Même les rois, alors, chômage, désallogement des maisons, corruption, l'emploi, on a la précarité, parce qu'avec la crise économique, avec cette vol, on nous dit, il faut travailler pour moins d'argent, il faut travailler avec moins de droits. Moins d'accès à la santé, parfois tu pouvais faire une opération, maintenant, si c'est une opération un peu chère, l'État ne va pas la couvrir. L'eau et le courant, il faut payer maintenant 4 fois plus que ça fait 4 ans. Et ce que c'est encore plus grave, pour aller à la justice, s'il y a quelque chose sur laquelle tu dois réclamer, tu dois payer. Avant, la justice a été gratuite. Mais maintenant, si par exemple, quelqu'un doit te rendre 1 million de CFA et tu veux aller en justice, peut-être tu dois dépenser 700 000 ou 800 000 pour pouvoir récupérer ces millions et tu ne connais pas même si tu vas gagner. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il y a des justices, une justice de double vitesse. Pour ceux qui ont l'argent et pour ceux qui ont peu d'argent. Et alors, bien sûr, en plus, la manifestation et l'expression. On nous interdit avec une nouvelle loi le droit de nous manifester et de nous exprimer. Si toi, tu fais une photo sur un policier qui est en train de frapper incorrectement à quelqu'un, c'est toi le délinquant, c'est toi qui peux aller en prison. Si toi tu fais une manifestation en face d'un bâtiment public, toi tu es un criminel. Et pourtant, pendant 30 ans, on l'avait fait chaque semaine. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'il passe avec les immigrants? Qu'est-ce qu'il passe avec les frères africains, les frères de l'Amérique du Sud, les frères asiatiques? Oui, ils ont aussi des problèmes. Ce n'est pas la même chose. Un Sénégalais qui a parti, ça fait 10 ans, ou 15 ans, ou 8 ans même. Parce que là-bas, il y avait un bon contexte. Beaucoup de ces Sénégalais ont marié, ou bien, en tout cas, ils ont trouvé un travail, ils sont spécialisés dans quelques métiers, ils ont eu des contacts, et même s'ils ont des problèmes, ils peuvent s'arranger. Je me rappelle, il est un citoyen angolain de l'Angole. Je l'ai trouvé à l'hôpital. Il avait essayé de couper les veines, on dit, pour se suicider. Parce qu'il travaillait dans la construction. Mais non, il n'y a pas de travail dans la construction. Et il avait payé une maison. Il avait payé chaque mois. Et soudain, il voit qu'après 5 ans qu'il a payé chaque mois la maison, il ne veut pas plus la payer. Les banques le retirent la maison et en plus retirent tout l'argent qu'il avait cotisé. Alors, il a choqué, il a essayé de se tuer. Et ouais, je l'ai trouvé là-bas. Il y a même des immigrants qui sont réguliers, avec papier, qui ont des travails, qui payent les impôts. Et maintenant, avec cette loi, on les enlève les droits à la santé publique. C'est-à-dire, moi, en tant qu'Espagnol, moi, je paye des impôts, je peux aller à la santé publique. Et un Sénégalais qui cotise, qui est légalement là-bas, ne peut pas aller à la santé publique. Avec cette nouvelle loi, il y a des lois comme ça qui sont en train de passer tous les temps. Et la population qui en était sensible, des associations d'appui à des immigrants, nous avons devenu peu et faibles, parce que la population commence à galérer. Et c'est dans ce contexte qui est très facile passer les discours nazis, en tout cas l'extrême droite. Et c'est dans ce contexte que si c'est plus facile réduire les droits élémentaires et les droits d'assistance humanitaire dans les frontières. Et c'est pour ça que le 6 février, vous avez vu des images à la télé ou bien vous avez entendu qu'il y a 15 Africains qui ont été morts dans une frontière de l'Espagne et l'Afrique. Vous l'avez entendu? On va voir les vidéos de les caméras de sécurité. A ver. Conférence bien. Voilà. Son des images d'une caméra de sécurité, alors il n'y a pas de son. Moi, je vous expliquerai pour pouvoir comprendre ça. Parce que les personnes qui ont mort, vous ne pourrez pas les voir dans les vidéos. Dans le territoire de Maroc, ici c'est l'Espagne, ici c'est le Maroc, il y a deux villes, une s'appelle Ceuta, la autre s'appelle Melilla, qui appartiennent jusqu'à présent à l'Espagne. Alors, vous pourrez voir une pirogue qui va passer de la côté marocaine à la côté espagnole de la plage. Ça, c'est le grillage qui sépare la côté marocaine et la côté espagnole. La pirogue va passer et des Africains vont sauter à l'eau. Ils vont commencer à nager. Mais regardez, ça sont les gendarmes. Et ils sont en train de tirer vers les immigrants qui sont en train de nager. Ça, c'est interdit. Par la logique, d'abord, mais aussi par les lois internationales. On ne veut pas tirer sur des personnes qui sont en train de nager dans les mers. Alors, ils ont paniqué et ils ont été noyés, 15 d'entre eux. Même, ils les ont jetés de vol de couches à partir de la plage, mais aussi à partir d'un bateau de la gendarmerie qui était derrière. Ici, vous pouvez voir une autre chose qui est encore illégale. Ils ont pris ceux qui ont arrivé jusqu'à la plage et on les amène directement à travers du grillage vers la côte marocaine, sans des enquêtes, sans des services sanitaires, sans savoir s'il y a quelqu'un d'entre eux qui veut prendre une demande d'asile politique. Voilà. Alors, tout ça sont des informations un peu difficiles à digérer, non? Et les immigrants espagnols qui sont en train de sortir du pays, et les immigrants sénégalais, est-ce qu'ils ont une destination commune? Est-ce qu'il peut y avoir une même destination pour les immigrants espagnols et les immigrants sénégalais? Où et comment? Bon, il y a aussi d'autres infos, peut-être plus positives, que j'essayerai de passer après dans le débat. Merci. On continue. Revers du médaillon, en quelque sorte. Alors, c'est l'autre côté, c'est-à-dire l'autre facette des choses, ce que l'on vous montre, en commençant par tout ce qu'il a dit ici, je crois que vous l'avez bien sûr saisi. Et des choses qu'on a eu à inscrire au tableau, qui ne font que juste étayer un peu ce qu'il vient de dire. L'Europe aujourd'hui, d'après la lecture bien sûr qu'il vient de faire, nous comprenons tout ce que l'Europe d'aujourd'hui, bon, les Africains n'ont pratiquement plus rien à les envier, d'après l'Espagne qu'il connaît mieux. Et tout ce qu'il a dit sur l'Espagne est dit par un Espagnol. Ça aurait été moi, bon, un Africain comme vous, ils allaient dire que bon, peut-être ces gens-là ne veulent pas qu'on quitte le pays pour aller ailleurs. Mais je crois que si c'est dit par un franc-nop comme toi, il veut comprendre mieux. C'est un blanc qui le dit, et un Espagnol surtout qui le dit. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est bien sûr ponctué par des images réelles, bien sûr, qui sont là. Alors, j'allais même dire que nous, Sénégalais, surtout Africains, on n'a rien, pratiquement, on a les envier. Et il faut dire aussi, comme on dit en Wolof, nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons ces situations, nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Nous n'avons pas de mal. Moy ñun fi lu mu metti metti amnañu ay mbokk amnañu ñuy jappalé amnañu aada amnañu ciossane ñom amuñ ci ben amuñ. Les Européens s'entretuent ou s'entredévorent. On a cité ici des noms de banques, Banque mondiale, FMI et tout. Bon, alors bon, vous devez vous asseoir sans faire de bruit parce que vous êtes venu en retard et donc, comme on dit souvent, les retardataires ont toujours tort. Il faut que je résume un tout petit peu en Wolof pour que. Voilà. On peut continuer, je crois. Alors, bon. Alors, c'est... on peut continuer. Donc, je disais en Wolof tout à l'heure que nous, Africains, nous, Sénégalais, on n'a rien à les envier. Ndax ndax ñun lu mu metti metti bo gesso gis sa mbokk mu la defal gis ko la dalal waye ñom ñoy ray seen bop banque ñu fi tuddi légui banque mondiale ay fonds monétaire international ajustement structurel ñu fi tuddi yépp réew yi am doole ñoko jël samp ko ci réew mi ngir duma ko réew yi ñak doole yi ñun ci lañ bok waxuma sax ñun ndax ñun lu mu metti metti ko moy am nañu suñu mbaxal comme niñ koy waxé am nañu suñu gosi suñu sombi am nañu suñu fondé am ñu suñu mbokk aussi yaakar na ni lu mu metti mettay suma na la doon añ suma duggé keur ñom awami dana añ même buñ ma xamul dana ma jox añ ba nopi nan ki kan la fumu duggé ak la ko fi duggal dana ko wax mais ñom teddewul nonu bop sa bop gu mat sekk la ko bokal nday ak bay mok jamburu yam ci yow li la ko waral ku ci nek ak tout singa yo yang koy sakanal xam nga lutax ñom gëmuñu dekkii gëmuñu yalla gëmuñu ñonant dañu wax néo-nazisme xam nga la waral néo-nazisme Adolf Hitler xam nañ ko mo waral deuxième guerre mondiale pa bobu mo wala deuxième guerre mondiale Adolf Hitler dafa am lum geumone ba yeñu bindi fessé en allemand je dis ein volk idéologie naziste idéologie nazi c'est ein volk ein führer ein reich en allemand moy yalla li bi ñuy wax amul buñu fonto dañu may jam ak yalla lool moy sen pasteur bi jëk ñaaral bi moy ben chef mo am muy ben führer moy chef ben volk ben xet mo am di wër moy la race aryenne moy ñom ku bokul ak ñom do nit mbam sax la gën ak xat kon ku ndiapewul mbam ak xatte waxu yakar na ni mo fagagal la lu yomb la ci ñom donc voilà un peu l'idéologie nazie tay ji en europe on a vu ko ñak yi ak son bi yobul na len ba ñom ñepp lay dañu wëlbati ko wat delu wat ci fi xet ci parce que Hitler bi tax neena ñu nit yu ñu li di ñew seen rew wi ñoo len di sonal ñoo jël seen liggey ñun dañ koy wax Dakar dañ nan guinéen yi ñom ñoo yor xaaliss Sénégal légui lutax parce que ñom liggey buñ dul nangu ñun ñom ñokay def ma seen gis wolof bu jaay pam ak banana mu seen ko gis ñu fuñu ñokay def roñu ñu xaal ci yob seen dekk non la mel europe bu yagge sénégalais ñoomi fippu ni ah ñi kat ñun tam nañu dalu wat ci lan xam luñu koy waxe ñun sénégalais yi suñu fulle suñu jom ak suñu kersa niñ koy waxe waaw ñu génné peul fouté ci dekk bi loolu mo dal europe tay ji motax tay ji bop sa bop gu metti la rayanté gu metti la lu nekk fa xew lu ci gënal doy war moy image yi ñu mujju bané légui xam ngeen sank wonel fay image ay policiers yu la fagne bu tok ci dama djum ki la bëgg wax handicapé moteur bu tok ci kaw chaise roulante am ay policier fekk ko fa du kenn waye ñaar japp ñet dal ci kawam dool ko ba tok kanam gi professeur ñu dal ci kawam ba tok kanam gi également xam nga li metti na lu waral lolu moy sonu gi ñu sonu fippu la dañu fipp Ils ont le dos contre le mur. Wundu. En fait, il y a une mousse. Mousse, vous voyez, quand vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez fini, vous avez service d'ordre di tayji so amé sa ben kër go bëgg kula ka gardel wala en tout cas da société bo am dañuy jël ñoñu nga xamanteni gëmuñu yalla gëmuñu yonent amuñu pass pass gëmuñu aada gëmuñu ciosan muy lén néw nazi ñu ñew taxaw ndax ñi nga am doole ci biir europe ñoñu ñom lañu jël pour def ce qu'on appelle les mauvais hommes ou bien les sales hommes si ça se dit pour les sales besognes ou bien les sales boulots ça se fait donc ñi ñoy ñi représenter donc les sales boulots en europe. Bon, nous nak meunañu comprendre tout ci ajustement structurel dañ ci ñëwaat en 1994 loolu fi waralon lan dévaluation bi ñëpp xam xeyna ñu bari ci en 94 waye bu ñu ko féké wul dégg ngeen ko moy histoire assez sombre de l'histoire du Sénégal bobu lañu wañi suñu xaaliss muy CFA ci luñu def ay départ volontaire def ay wañi ñu bari ñu génné ci fonction publique bi liggéey recruter tuñu situation yoyu la loolu ko waral loolu moy woy ba tay banque yi ñu fi wax légui Banque mondiale ak fonds monétaire ak yenen ak yenen ni ñom ñoy ce qu'on appelle ceux qui mettent le feu après ils viennent jouer au quoi au sapeur pompier yaay manam lu ñu wax dem ray la jalé la moy xet gog donc ce qu'on appelle des gangsters à col blanc moy ñi nga gis ci agence planétaire li ñi wala lu rafet lay nek waaw dañuy wone rafet politique ñu ngi tabax ay école ñu ngi nangam fekk lañu buñu wëlbeutiko lañu def ci wét ge mo yes fouf li nga xamanteni mom moy li xew tay ji kon yoyu gis ngeen ne wax na fi sank 200 émigrés ñatté mère ci ay émigrés espagnol tubab dem Belgique dekk Europe sen bit Union européenne ñu génné len waaw ñu génné len wala xnjaay néna kuy simbi luñu soldu fa balu ñu wék kuy simbi luñu soldu bay fa luñu wék donc ndegam ay tubab ñi ñom lañuy génné seeni réew dakk len fa ndax nénañu mënuñu len yor buñ fi ligéyul ndax ñom dañu sen dafa bok sen ay loi nit bu ñëwé ci dëkk dafa am ay conditions yo xamni faaw nga taxawal ko ci yoyu puisque ñom mënuñu ko dañ leen di génné comme ñom ni ñuy génné ñi ju ñuuli dem nañu légui sax ba ci ni dañuy faat légui gis ngeen image légui lan lay ray immigré yi fi jogé di def Barça wala Barça jël gal yi bo démé ba jup berge bi ba jup plage bi gendarme ñëw gën seen fétal jam leen bal ngeen dé ñu ni dañu lap wala dañu nangam té gis ngeen image fi waxna sank ni vidéo sur de surveillance yoy la du am son moma don commenter sank ñi tepp ci gal gi di fey ñu do len ay bal fan lay muju fenn te gis ngeen lim fi ki carte bi mu jema représenter légui donc vilu Ceuta ak Melina nga xamni yakana siwna ci Sénégal gi tay ay ville la yu nek fi ci Afrique xolal djégué Espagne ben la danaka buñu jappé nit yu ñuul yi pour rapatrier en Afrique ci ay grillage len di jaar xam la lu muy fatali ce qu'on appelle la déportation juive yahoudi juif yi balen hitler dan japp jamono jeuk je dan déporté dans les camps de concentration comme ay gangster parce que hitler dafa am lu mu gëmon néna juif fortul am ci kaw souf nit ñu li ñom ak arab yi duñ ay nit matuñu ko lool la wax les arabes les noirs c'est pas des humains c'est des sous-hommes par contre on doit rayer à la carte planétaire la race juive elle doit demeurer que la race aryenne moy race bo xamni mom sax bokku ci won faf mam Hitler mais mom la doon woté donc yoyu manam seni baxi mam lañuy continuer fiñ tollu ci ni ñom européen yoyu kon encore je reviens un peu en français je ne vais pas tirer en longueur parce que sur cette table m'est accompagné des collègues qui également ne manqueront pas à y ajouter quelque chose donc pour juste peaufiner un peu sur bien sûr l'objet de cette rencontre c'est juste une rencontre d'échange simplement c'est pas un cours qu'on fait c'est juste cela. Vous allez avoir votre mot à dire, parce que j'ai vu des gens qui, bien sûr, notaient tout à l'heure, prenaient des notes. Alors sûrement, il y a des propos qui ont été tenus ici et qui ne sont pas à votre niveau très limpide. Alors vous allez peut-être chercher à ce que ça soit plus clair à votre niveau. Donc vous pourrez avoir la possibilité de poser vos questions. Et sur ce donc, nous avons M. Diaw que vous connaissez, un collègue, M. Diaw qui est là. Nous avons également Amadou Ba et Elhaj Abbas Khan, bien sûr lui également, et M. Diop, professeur d'anglais ici, et M. Wilan à ma gauche. Donc, mes collègues, je vais vous rendre la parole si vous avez des mots sur ce, avant de remettre à Raphaël, s'il y a des questions éventuellement, qu'on puisse les noter, et puis voilà. Donc, avant de lui remettre la parole, nous allons remettre aux collègues s'il y a quelqu'un. Voilà, Amadou Ba, alors. Bonsoir chers collègues et bonsoir aussi chers élèves. Tout juste, mon intervention ne sera pas longue. Ce que je vais faire, c'est tout juste étayer ce que Raphaël Blanco vient de dire. Et l'Espagne est à côté, hein, l'Europe est là et c'est le continent le plus proche d'Afrique. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la désinformation. Actuellement, le monde est dominé par une minorité. Ils ne veulent pas, hein, que la vérité soit dévoilée. Est-ce que vous connaissez ces téléphones portables? Ces téléphones portables, ces ordinateurs portables fonctionnent avec un métal qu'on s'appelle le coltan. Sans ce métal, cet élément-là, les ordinateurs n'auront pas de téléphone portable. Et cet élément-là vient d'Afrique, vient du Congo, dans la région de Kivu et dans la région de Bukavu. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qu'ils tirent d'ici? Aujourd'hui, si le monde existe, si la technologie avance, c'est grâce aux matières premières de l'Afrique. Mais ils sont exploités d'une manière inhumaine. Donc, en polluant les zones, en créant des guerres, les gens s'entretuent. Et maintenant, comme ils ne veulent pas que leur population sache qu'une partie de leur consommation a coûté la guerre, a coûté le sang, donc ils ne veulent pas que cette vérité soit dévoilée. Maintenant, ils ont essayé maintenant de créer une frontière. Il y a une frontière physique, mais il y a aussi une frontière intellectuelle, bon, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, quels moyens ils vont utiliser maintenant pour cacher cette vérité? C'est la télé. Il y a de grandes chaînes comme la France 24, donc ce sont des chaînes de désinformation. Ces chaînes-là, jamais, regardez, c'est de l'éliminoir, c'est dans l'intelligence, c'est dans France 24. Information, il y a une Afrique, guerre, là, il y a jamais bonne information. Information est négative, une mauvaise vision de l'Afrique. Ce n'est pas pour nous chahuter, mais c'est tout simple. Il y a des valeurs ici que eux-mêmes, leur population, peuvent en approprier. Mais c'est tout simplement, ils veulent décourager à leur population de voyager en Afrique. Parce que, tay sous des montagnes, bah, les Européens, tay, dans la région Bukavu, bah, gis ay xalé yi ndaw, ñuy maltraité, ñuy liggéey ci mine, ñu xamné li mo tax ñu utiliser téléphone portable. C'est à cause maintenant de cette misère qu'ils sont en train de vivre. Mais ils vont se révolter contre leur propre gouvernement et contre ces institutions que Raphaël Blanco vient de mentionner ici. Donc pour cela maintenant, ils ont maintenu cette frontière. Et Raphaël, ce qu'il dit, c'est vrai. Aujourd'hui, le peuple européen est en train de souffrir. Il y a ce qu'on appelle la répression et la manque de liberté. Parce que je me rappelle, 27 septembre 2012, personne ne m'a raconté. J'étais à Tenerife et le gouvernement voulait introduire un projet de loi interdisant le droit à la manifestation. Ça veut dire le fait de manifester, donc sera un délit et le policier veut venir te traquer et t'emmener en prison. Maintenant, eux, ils ont lancé un mot d'ordre qu'on appelle Rodear el Parlamento, c'est-à-dire entourer l'Assemblée, entourer le Parlement. Maintenant, tous les citoyens espagnols donc, avaient attaqué ce jour-là le Parlement espagnol, surtout à Madrid. Maintenant, il y avait la répression policière. On frappait les gars, on les maltraitait comme si on maltraitait les animaux. Et moi, devant la télé, je ne pouvais pas croire à ça. Parce que je croyais que tout est rose là-bas. Vraiment, c'est la démocratie, ce sont les références, les droits de l'homme sont respectés. Et j'ai pu découvrir que là-bas aussi, donc, on souffre la même chose qu'on souffre ici. Donc, nous avons les mêmes problèmes. Maintenant, je crois, pour régler ces problèmes-là, il faut lutter contre la désinformation et essayer maintenant de se communiquer et voir maintenant comment régler ce problème-là. Parce que c'est à nous qui peuvent prendre notre destin, notre avenir. Et si un jour, chacun donne la main à un autre et les gens se communiquent et la vérité maintenant s'explose et que le citoyen sud-américain, les citoyens nord-américains, les citoyens asiatiques, les citoyens africains du village le plus profond, hein, ils se soucient, ils se sentent sensibles, hein, de la misère ou bien des problèmes de l'autre, ça va changer. Et notre problème, la plaie, c'est une minorité et je crois que je ne veux pas être long parce que je veux que cette activité soit une activité interactive et je préfère aussi écouter votre version aussi d'écouter seulement ma version ou bien la version des collègues. Et je ne veux pas être long, monsieur, et merci beaucoup. Merci monsieur, mais l'accent sur quoi? Sur l'information. S'il y a information, tout est OK. Donc, nous tous devons être sur le même niveau d'information. Il a mentionné des médias internationaux, France 24, etc., etc. Alors, vous savez, c'est France 24, CNN, par exemple, TV5 Monde, si on prend également, voilà, entre tous là, tous ces genres de chaînes-là que nous voyons sur le bouquet numérique et tout ça, Bon, ça, ça appartient à ce qu'on appelle des multinationales. C'est des lobbies très, très, très puissants et qui ont des objectifs bien définis, bien tracés et qu'ils voguent juste vers la réalisation. Alors, le temps ne le permet pas, sinon on allait développer sur ça. Je ne vais pas monopoliser si les collègues sont là. Monsieur Diop, par exemple, si vous avez des mots à ajouter, nous sommes... Ouais. Donc, je dis bonsoir à tout le monde. J'ai un peu pris le train en marche là. Mais quand bien même j'ai entendu des mots tels que Ceuta et Melilla qui m'ont fait penser à l'immigration. J'espère maintenant que tout le monde sait que l'immigration n'est plus le jour, n'est-ce pas? L'immigration, on doit penser à un autre moyen, n'est-ce pas, de satisfaire nos besoins quotidiens et même pour le développement de nos pays. Voilà. Et là, donc, j'espère que là, on en a tellement parlé, les mojados, comme on dit en espagnol, les dos mouillés en français, n'est-ce pas, qui essayent de traverser la mer Méditerranée à partir de Ceuta et de Melilla pour atteindre l'Espagne, n'est-ce pas. C'est juste pour dire, je suis dans la même lancée que les collègues, c'est pour faire entendre aux élèves qui sont des porteurs de voix, parce qu'une fois retournés chez eux, ils ne vont pas, n'est-ce pas, retenir l'information. L'information, c'est que l'Europe n'est plus, comme on dit en anglais, the promised land. Ce n'est plus la terre promise. Chacun peut chez soi développer. On est maintenant dans un village planétaire. Être en Espagne, c'est la même chose qu'être au Sénégal. N'est-ce pas? J'espère qu'il faut que les Africains, comme disait Cheikh Anta Diop, il faut qu'on croie en nous-mêmes. Il faut qu'on croie qu'un jour, l'Afrique peut être le nombril du monde. Comme l'ont avancé les collègues, l'Afrique a d'énormes potentialités, n'est-ce pas? Même Cheikh Anta Diop nous dira que la révolution industrielle est née en Afrique à partir de la Mésopotamie. Il nous dira que même l'Afrique, l'Europe, autant pour moi, avant d'entrer en contact avec l'Afrique, ne détenait aucun savoir scientifique. Et il a même dit que les Socrates, les Aristote, tous ces gens-là sont venus au niveau de l'Égypte pour apprendre les mathématiques, la science de manière générale. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en tant qu'Africain, en tant qu'élève, on doit croire en nous-mêmes que l'Afrique a des potentialités. On a découvert récemment au Sénégal le Vulcan, qui est la deuxième pierre précieuse au monde, n'est-ce pas, qui peut faire rentrer beaucoup de devises au Sénégal. C'est autant de richesses. L'autre l'a dit, Kanka Moussa, et il dit, si l'on compare aujourd'hui sa richesse à celui du continent américain ou bien des riches personnes qui sont dans le continent américain ou bien en Europe, on dirait que Kanka Moussa serait aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Parce que il venait ici au Sénégal au niveau des mines de sable là pour faire une fortune. Ces masses d'or là ont été tirées ici au niveau du Sénégal, qui normalement devrait faire de Kanka Moussa, s'il était encore vivant, l'homme le plus riche au monde. C'est juste pour vous dire que nos terres au niveau de l'Afrique sont extrêmement riches. La ressource humaine, elle est là. Donc je vais en profiter pour, en tant que membre du Forum civil, il faut chasser chez nous la malgestion et la corruption. Croyons en nous-mêmes, développons nos potentialités et pensons surtout aux générations futures. Je m'en retiens là. Merci. Merci. Alors, sans tarder, on va juste remettre la parole à Vilan. Voilà, c'est Vilan. Oui, bonsoir tout le monde. Comme disait Moussé Diop, j'ai pris moi aussi le train en marche, mais je sais dorénavant le thème d'aujourd'hui qui parle de l'immigration, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. Alors, je vais tout simplement commencer par dire que tout ça est dû à une mauvaise formation, n'est-ce pas, des individus qui se trouvent aussi bien en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Alors, s'il faut aller ailleurs, n'est-ce pas, pour exploiter des ressources, s'il faut aller en Espagne, s'il faut aller en Amérique, s'il faut aller au Japon, ainsi de suite, pour aller chercher, n'est-ce pas, de l'information ou bien de la connaissance ou bien des ressources, n'est-ce pas, je poserai la question de savoir pourquoi, n'est-ce pas, on ne doit pas rester chez nous et essayer d'utiliser les ressources qu'il y a, n'est-ce pas, chez nous pour essayer de les exploiter. Il a donné l'exemple de l'Égypte. Les mathématiciens les plus connus, Thalès, il y a les Pythagore, beaucoup de mathématiciens, n'est-ce pas, se sont puisés les ressources, n'est-ce pas, en Afrique. Alors, c'est des scientifiques. Alors, moi, je disais que si, n'est-ce pas, on faisait des recherches, si on donnait à tout un chacun la formation, n'est-ce pas, qui est la bonne, je vais dire tout simplement que on n'aurait pas à, n'est-ce pas, arriver à ce stade-là. Parce que les scientifiques, donc pour que le monde puisse se développer aujourd'hui, il faut quand même développer la science. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait justifié. Il faut être scientifique avant d'être quoi que ce soit. Donc là, étant jeune, je vous exhorte quand même à rester chez vous et à faire des recherches. Parce que tout simplement, il y a des ressources qui se trouvent être en Afrique et qui peuvent être exploitées par vous-même, vous les futures générations. Donc, il ne faut pas tout simplement trouver un seul moyen, n'est-ce pas, brain drain, qu'on appelle la fuite des cerveaux. Ça, c'est pas bon. Restez là et ayez, n'est-ce pas, la bonne information et ayez, n'est-ce pas, la bonne ressource ici en Afrique. Alors, pour que tout cela puisse être se faire, il faut quand même que vous cherchiez. Parce que si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Mais aujourd'hui, quelle est la remarque? Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc, il faut chercher pour trouver. Allez-y vers la recherche et trouvez, n'est-ce pas, la bonne information, les bonnes ressources. Parce que tout simplement, si les Espagnols, n'est-ce pas, se font entre eux la guerre, ou bien l'Europe, n'est-ce pas, vous verrez la guerre civile qui se trouve être en Europe et partout. Alors chez nous, il y a le djamou et le salam ici, donc il n'y a pas de guerre ni de rien. Donc, il y a de l'or, comme il disait, le sabodola. Donc, il y a autant de ressources qui se trouvent être en Afrique. Donc, exploitons ces ressources-là et, n'est-ce pas, la paix, n'est-ce pas, finira par jaillir tout simplement. Alors, je ne vais pas être long, donc je quand même remercie M. Raphaël Blanco, n'est-ce pas, qui est en train de mener un travail extraordinaire, n'est-ce pas, sur le continent africain, plus particulièrement au Sénégal. Parce qu'il est en train de mener des actions, n'est-ce pas, de donner les informations, les bonnes informations, n'est-ce pas. Il vous exhorte tout simplement à travailler et à rester chez vous quand même, parce que chez vous, vous pouvez avoir un travail, trouver un bon boulot, n'est-ce pas, et ne pas tout simplement pratiquer l'immigration. Donc, merci à l'assistant, merci à tout le monde, et j'aurai peut-être d'autres mots à dire si le débat se continue. Merci. Alors, merci à Monsieur Villan. Et nous osons espérer que son appel n'est pas entré dans l'oreille ou bien les oreilles d'un sourd. Et juste, donc, vous avez bien entendu son appel. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous cherchons également. Vous invitez juste à faire juste rappeler à Monsieur Raphaël que Kanka Moussa, que Monsieur Diop vient de citer, était un ancien roi Peul du Mali. Ce gars-là, je vais acheter également. Il a fait le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, en 1335. Quand il a fait le pèlerinage là, c'est ce qui s'est passé à la Mecque. La chute du prix de l'or à la Mecque. Il a quitté l'Afrique pour aller à la Mecque. Quand il est venu, la quantité d'or qu'il a apporté avec lui a fait chuter le prix de l'or à la Mecque. En 1335, précisément. Alors, Abbas Khan, sans tarder, allez-y. Bon, moi, je tiens à vous remercier d'abord parce que déjà, parce que déjà, il y a une forte mobilisation des élèves, et c'était le pari qu'on essayait de tenir, parce qu'on dit souvent, quand on appelle les élèves, ils viennent jamais, et vous êtes venus, on vous remercie pour ça. Maintenant, le reste, ça va se passer dans le débat. Moi, mon objectif, c'est, ils font de l'histoire, ils font des mathématiques, il a parlé de science, etc. Moi, je veux juste vous entendre parler. Il faut accepter de parler, je veux entendre tout le monde parler, il faut montrer à ces intervenants-là, aux professeurs qui sont là, que vous pouvez parler aussi bien que la langue française. Donc, vous préparez et nous relevons le défi. C'est uniquement ce que je vais dire. Merci beaucoup. Voilà. On vous le concède, monsieur Khan, on vous le concède. Alors, sans tarder, rapidement, monsieur Diaw. Après, plus on passe à monsieur Diaw. Bon, voilà. Avec votre permission, peut-être que c'est seulement des mots de remerciement et d'encouragement à l'endroit des initiateurs de cette soirée, quand même très chargée. Remerciement d'abord à M. Blanco, qui, on ne le connaît pas, on l'a connu il n'y a pas longtemps, mais quand même il est devenu un peu familier à nous, et avec quand même beaucoup d'éléments qui, si on les exploite très bien, vont toujours dans le sens, n'est-ce pas, d'une orientation qui va dans le progrès. Donc nous nous inscrivons désormais dans le progrès et avec Blanco. Donc merci à M. Blanco. Je dis que ça c'est une activité extramuros, on peut dire peut-être, mais quand même qui est très chargée, je l'ai dit tantôt, parce qu'en fait, on ne peut pas se limiter seulement au travail que nous faisons entre quatre murs. Il faut essayer quand même de voir d'autres activités qui permettront d'outiller un peu plus les potages que nous avons. Parce qu'en fait, nous sommes dans un cadre où il faut donner aux enfants une formation qui, dans un lendemain, leur permettra de transformer cette société que nous aimons et cette société à laquelle nous appartenons. Le thème d'aujourd'hui parle de l'immigration clandestine. Peut-être qu'entre nous, on peut parfois ne pas se comprendre, sinon on n'a pas confiance en nous. Mais voilà un témoin au clair, peut-être qui est venu d'autres horizons, pour nous parler de cette immigration clandestine. Et ma foi, c'est des mots qui reviennent. Parce que ceux qui ont été là, dans le passé, nous ont entretenu de tout ce qu'on a peut-être dit quelque part. Et aujourd'hui, c'est la confirmation du fait que l'immigration clandestine n'est pas la solution. L'Eldorado que l'on pense que l'Europe est, ce n'est pas du tout la vraie information, on l'a dit tantôt. Donc il appartient maintenant à tout un chacun d'avoir les moyens de sélectionner les informations qui sont divulguées ça et là pour avoir la quintessence maintenant de ce qu'on doit appliquer maintenant. Vous êtes des enfants, on doit labourer ces champs-là pour que dans un futur, que vous soyez beaucoup plus utile à votre société. Ne pensez plus à partir, que ça soit l'exode des cerveaux, que ça soit l'exode pour un travail saisonnier, mais il faut penser à vous investir dans votre localité. Donc aujourd'hui, bon, c'est un cri de cœur, parce qu'en fait, s'il y a exode, il y a du vide. Et maintenant, le vide, quand il n'est pas comblé, véritablement, ça peut susciter quelque part des retards. Et ces retards-là, combinés, vont tout simplement nous amener dans un recul. Donc c'est un appel que je lance. Il faut, bon, comme l'ont dit certains, que l'information soit transmise. Parce qu'il ne faut pas la garder par devers vous. Parce qu'il y a d'autres que vous avez laissés à la maison et d'autres quand même qui, parfois, n'ont pas la possibilité de... n'ont pas la grande capacité d'analyse. Et pour ces gens-là aussi, vous avez le devoir de les informer encore, de les outiller beaucoup plus pour que cette immigration-là que l'on considère aujourd'hui comme un fléau disparaisse et dans les plus brefs délais. Donc voilà donc, les quelques mots que je voulais placer en vous remerciant. Alors, je souhaite que des actions de cette envergure soient pérennisées et soient multipliées encore parce que c'est toujours utile. Voilà, merci. Bonsoir, je dis bonsoir à tout le monde, toute l'assistance ici présente dans la salle. Donc je pense que c'est une belle initiative de M. Raphaël de venir nous parler du problème de l'immigration clandestine. Comme vous le savez, donc c'est un problème qu'on peut dire de manière générale qui est particulièrement de l'Afrique. Mais c'est nous qui sommes jeunes qui peut relever ce défi-là. Hein? Je pense que, comme l'a dit tantôt mon collègue, il a parlé de l'Eldorado qu'on pense de l'Europe. Et ce qui est tout à fait faux, je pense que l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Donc je pense que c'est à nous de développer l'Afrique et de pouvoir mettre en jalon toutes ces belles initiatives à travers des échanges, des travaux comme cela, et de les préniser dans le temps, et d'avoir de bons résultats peut-être dans le futur. Donc je pense que c'est à féliciter, quoi, c'est à féliciter. Donc moi j'ai pris le train en marche, quoi. Donc je m'en excuse tout à fait, je m'en excuse vraiment du retard accusé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons procéder juste aux intervenants. Donc, cette liste que j'ai entre mes mains, ça contient le nom des élèves qui veulent intervenir. Alors, on va les appeler un après un, juste pour qu'ils puissent... Tu vas un peu... D'accord. Coupez un peu là, s'il vous plaît. Coupez un peu. C'est bien. Cela veut dire tout simplement que les Sénégalais ne lisent jamais les affiches. C'est bel et bien marqué intervenant. Noir sur blanc. Intervenant. C'est que c'est vrai, on ne lit jamais. On vient, on s'engouffe, on dit mais pourtant. Alors, bien marqué, intervenant. Mais ok, celui qui va intervenir, lèvera le doigt. C'est bien, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bon, je voudrais... Bonsoir tout le monde. Bon, je voudrais axer mon intervention sur deux points. Bon, je m'appelle Mamcheikh Thioune. Beaucoup d'entre vous me connaissez. Bon, je voudrais axer mon intervention sur deux points. L'un, c'est un mot de remerciement. L'autre, c'est une question à poser à Monsieur l'Espagnol. Bon, je remercie M. Kane d'avoir initié cet atelier parce qu'il pousse les élèves à parler français. Parce que c'est un club littéraire. Le club littéraire. Parce que je constate que les élèves d'aujourd'hui ne lisent plus. Et quelqu'un qui ne lit pas ne parle pas français. Ça, c'est évident. Donc, je vous invite, mes chers, à participer, c'est le débat, à prendre vos bouquins, lire, pour apprendre le français. Monsieur l'Espagnol, ma question c'est que vous avez dit tout à l'heure que les Espagnols qui résident en Espagne cotisent sur l'économie du pays et s'ils tombent malades, ils peuvent bénéficier du soin médical. Et les immigrés qui résident légalement là-bas et ne bénéficient pas de ces soins médicaux. Je vous demande pourquoi c'est cette action. Merci. Merci beaucoup. Et pendant toutes ces années d'arrière, pendant les années 80, 90, il n'y avait pas de problème. Même les immigrants qui n'ont pas de papiers, ils ont pu se bénéficier de la santé. Mais c'est avec la crise économique. Et je ne sais pas si je dois m'excuser pour utiliser ces mots, mais je l'ai dit. Et à cause d'un gouvernement raciste, et xénophobe et injuste, on a une nouvelle loi qui est comme ça. Alors un immigrant qui est sans papier n'a aucun accès à la santé publique, et un immigrant qui est résident, qui paye les impôts, même lui, on lui a enlevé ce droit. Pour donner un côté positif aussi, il faut dire qu'il y a des professionnels de la santé, d'infirmières, des docteurs, qui sont en train de faire la résistance civile contre cette loi et qui offrent des soins médicaux à son niveau gratuitement. Ça pose un problème et il y a des manifestations des professeurs, mais la loi, malheureusement, elle est là. Merci. Merci à qui. Donc on va suivre seulement à l'autre intervenant. Bon. Avant peut-être de passer la parole, on va juste ajouter que ce que le gars dit, la question qu'il a posée tout à l'heure et qui a été bien répondue par M. Blanco, il s'agit de mesures racistes et xénophobes comme il a dit. La xénophobie c'est quoi? C'est le fait de ne pas aimer les étrangers du tout. Et quand on n'aime pas un étranger, on fait tout pour le décourager. Alors c'est une façon tout simplement de décourager les gens. Vous venez légalement dans un pays, mais vous ne bénéficiez pas de soins de santé. Voilà un peu la situation. Depuis la crise économique en 2008, bataille, l'Europe et l'Espagne. Vous avez des filles, vous êtes normalement, vous louez des cœurs, vous comme des mais vous pouvez faire des choses comme vous voulez. Donc, vous avez comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'île qui est là, qui est. Alors, c'est des mesures encore racistes et xénophobes, voilà. Juste pour décourager, freiner un peu le flux migratoire vers leur pays. Alors, donc, s'il y a des intervenants, alors on va juste leur passer la parole. N'ayez crainte, bon, voilà, essayez. Même si vous ne pouvez pas en français, c'est vrai, c'est l'idéal, mais vous pouvez, dans votre langue maternelle, en peul ou bien, voilà, parler. Donc, les traducteurs ne manquent pas ici. Même en anglais, si vous voulez, bon, on n'a pas peur. Alors, je crois qu'il y a une liste qui va venir. Voilà, sinon je prends cette liste-là et j'oblige aux gens de parler. Voilà, donc... Allez-y, une minute, allez-y. Bon, sur le nerf, hein. Bon, échange la règle. D'une fille, nous, pour Djanga, pour Hamfidara, pour avoir le maximum d'informations. Donc, si vous voulez, vous pouvez s'exprimer en wolof. C'est pas grave, l'essentiel sont les idées ici. N'est-ce pas? Aujourd'hui, donc, c'est un point d'échange. Donc, exprimez-vous en wolof. Vous n'êtes pas obligé à parler français ou anglais ou espagnol. D'accord? Donc, l'essentiel, ce qui est important, c'est votre intervention. Ok. Oui, une précision à faire, hein. Glisse le premier nom, juste le premier nom. Aboule le premier nom. Une petite précision à faire. Moi, je n'ai aucun envie de décourager l'immigration. D'accord. Attends. Pardon. Je veux dire que, en tant que membre d'un réseau volontaire, des professeurs volontaires et des élèves volontaires de différents côtés du monde et que nous avons nommé Réseau éducatif sans frontières. Moi, je n'accepte pas la frontière. En tant que Raphaël Blanco Silva, carte d'identité 3, 4, 9, 8, 8, 6, lettre D, moi, je n'accepte pas la frontière. Alors, mon rôle dans la vie, ce n'est pas encourager ou décourager à personne à passer une frontière, parce que la frontière dans ma tête n'existe pas. D'accord? C'est une petite précision. Je vous ai donné des données qui n'encouragent pas à voyager là-bas, c'est vrai, en concret en Espagne, mais peut-être qu'il faut voyager quelque autre part. C'est pour ça que la question, je la reprends encore, c'est est-ce qu'il y a une destination commune pour les immigrants espagnols qui doivent s'en sortir maintenant? Et pour les immigrants sénégalais. Merci, Monsieur Blanco. On passe juste aux intervenants. Nous avons sous nos yeux Monsieur Diaba Diagne et va se préparer Nogaye, en fait, Nogaye, Non, c'est nos gays. C'est Ngagne. Tout à fait. Ngagne des gays. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs les professeurs, merci d'être au rendez-vous également, mes chers élèves. Pour recevoir nos interventions, nous demandons de par des paroles provenant de M. Si un éclairage sur la position de M. Blanco, c'est-à-dire l'essence de son discours. Si j'ai bien compris votre question, c'est juste à ce qu'il éclaircisse un peu l'objectif ou bien l'essence de son discours. C'est ça. C'est-à-dire, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il vise dans ça? Ok. Alors, M. Raphaël, je crois que vous avez bien compris. Non. Je suis. Ah, que j'explique ce qu'il veut, lui. Ah, ok. Ce qu'il a dit tout à l'heure. D'accord. Alors, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est assez simple. Il dit que lui, c'est un volontaire. Comme un volontaire, quoi. Universel même. Il n'a pas à vous demander de ne pas voyager. Non. Mais son devoir et son droit, c'est tout simplement d'informer juste et vrai. Il vous a donné des images réelles qui existent. Et des données qui sont chiffrées, d'ailleurs, qu'on a citées tout à l'heure, et qui n'encouragent véritablement pas à un voyage ou bien à une éventuelle volonté de voyage. C'est ça qui est effectivement son objectif. Alors, il veut amener les gens à percer le mystère que constitue ce monde dans lequel nous sommes. C'est ça son objectif. Alors, il est là, maintenant, il travaille avec des gens, volontairement, c'est-à-dire qu'on n'oblige personne. Volontaire, lol. Vous venez tranquillement, on vous informe, on ne vous demande absolument rien, on ne vous donne rien du tout aussi. Voilà, mais on échange, on partage, comme disait Marc Salut, ce qu'on a. On fait ensemble que ça soit accessible à tout le monde. Voilà, un peu. S'il a acheté des mots aussi. Si. Ouais, peut-être ce que tu demandes, c'est dans toutes ces choses que je viens de dire, en définitive, qu'est-ce que je veux dire? D'accord. Je vais montrer seulement que je vous ai fait un résumé. Vous devez chercher pour voir si tout ce que j'ai dit c'est vrai, c'est pas vrai, et voir les informations plus tranquillement. Échanger entre vous, demander à des amis, à des familiers que vous pouvez avoir en Europe ou partout. Mais en définitive, ce que j'ai dit, c'est que nous en Europe, nous sommes en train de tomber dans l'esclavage où vous restez depuis des siècles. Et que ça, ce n'est pas une opération simple. Et que ça a été pensé pour des personnes qui ont le pouvoir dans la planète. Et que la population européenne, actuellement, n'a pas de capacité de réaction. On est en train de tomber dans l'esclavage comme ça. Et voilà, la question que je me pose, je n'ai pas une solution à ça. C'est, dans cet scénario, qu'il faut connaître, parce qu'on vous cache une partie du scénario. Amadou ou bien moi, nous avons vu tous les deux côtés. Et on est informé, on ne reste pas seulement à prendre des tailles. On cherche. D'accord? Et lui, il a cherché beaucoup, il m'a informé, moi j'ai informé. Alors, nous et d'autres gens, nous avons les scénarios. Mais on partage avec les autres parce qu'on ne connaît pas. Alors maintenant, avec ce scénario où les Européens sont en train de tomber dans une nouvelle sorte d'esclavage. Comme les Sénégalais, comme le reste d'Afrique, comme bonne partie de l'Amérique du Sud, sous les pieds de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et en définitive, de les grandes banques. Dans ce scénario, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va faire pour s'en sortir? Nous que nous sommes en train de tomber dans le puits et vous que vous êtes dans le puits depuis longtemps. Je veux dire que ce n'est pas la question de ne pas émigrer, peut-être il faut émigrer aussi, mais pas dans le même lieu, ou bien émigrer, mais aussi faire une autre chose en même temps. Étudier, mais pas seulement étudier. Étudier et s'engager dans quelque chose de plus. Être professeur, mais en même temps s'engager dans quelque chose. Travailler dans l'agriculture, mais en même temps s'engager dans quelque chose. Parce que sinon, nous avons un grave problème. Parce que ces pouvoirs-là sont très effectifs. Et ils ont démonté déjà des états complets des différents pays. Voilà, c'est ça. Alors, donc je crois que c'est clair un peu ce qu'il a dit. En un mot, c'est juste chez eux, ce qu'on appelle la jungle. Le plus fort écrase le plus faible. Voilà, les banques, c'est eux, voilà, les plus forts qui écrasent eux, la population, qui est actuellement en train de sombrer dans ce qu'on appelle l'esclavage que nous avons quitté en France en 1848, en Angleterre en 1803. Voilà un peu la situation. Excusez, il faut que je fasse un peu d'histoire, je ne veux rien. Alors, je passe à Monsieur Ngagne De Gueye. Il va se préparer, ou bien elle va se préparer, Ndaye Niang. Viens là un peu. Bonjour chers élèves, bonjour chers professeurs, je m'appelle Ngagne De Gueye, je voudrais dire justement mon point de vue sur l'immigration clandestine. En tout cas, je n'ai pas allé en Europe, mais j'ai un grand frère qui allait en Italie, parfois, il m'a rencontré des choses dont monsieur Banco vient de nous expliquer tout de suite. Si je me rappelle en classe de 2005, en classe de 5e, je voudrais quitter mes études, mais c'est lui qui m'a forcé de continuer mes études. Parce que il me disait que là-bas, le travail était tellement dur. Pour avoir quelques emplois, au minimum, il faut avoir des diplômes. Mais merci Ngagne, merci. Je crois que tout le monde a compris ce qu'il a dit. Son frère a reçu l'information véritable et lui a découragé de tenter l'aventure. Voyez, c'est ce qu'il a dit. Son frère, qui était un immigré et qui a été en Espagne et qui connaît les réalités sur place, alors lui a découragé, dissuadé de prendre ces pirogues-là. Et d'ailleurs, voilà, c'est juste le conseil qu'il donne à tout le monde ici. On passe à Ndaye Niang. Et va se préparer Maktar Dieng. Ndaye Niang. Bonsoir. Tout d'abord, je vous salue tout le monde. Et de remercier d'organiser, d'avoir organisé ça. Je pense que le monde devient plus en plus dur. Car si on est en Europe, on travaille. Pourquoi pas? On reste ici pour travailler, car c'est le travail perd. Je vous remercie. Merci. C'est bien. Voilà. Hop là, s'il vous plaît. On revient sur terre, s'il vous plaît. Alors, merci à mademoiselle Niang. Nous passons à Maktar. Maktar, c'est à toi. Et va se préparer, Biguet Sam. Biguet Sam, près de toi. Allez-y. Bonjour, cher professeur. Bonjour, chers collègues. D'abord, je remercie tout le corps professoral en mettant pas à M. Blanco, qui est un étranger venu d'Espagne et qui veut nous sensibiliser. D'abord, j'interviens avec une question. Et cette question, je vais la poser à M. Blanco. Ma question suit. Qu'est-ce qui a amené les attaques de l'euro dans les pays les plus faibles? Merci. Merci, Maka. Vous répondez directement. On gagne du temps. Voilà, alors la question c'est qu'est-ce qui a amené les pays de l'euro et à devenir comme ça faible? D'accord. Je pense que c'est la avarité, finalement, qui nous a mis dans cette situation. Parce que si tu peux consommer tout pendant quelques temps, tu n'arrives pas à comprendre de où ça sort ce que tu es en train de consommer, comme le coltan de téléphone, ou tu ne comprends pas qui est en train de se bénéficier plus de que toi tu es en train de consommer. Alors, pendant ces années-là, et on peut dire qu'en Europe, beaucoup de monde a tombé dans les rêves del dorado, eux-mêmes. Ils ont pensé que ça c'est quelque chose qu'on a pour toujours. Qu'on va avoir d'argent et de travail toujours, comme ça. Et sans regarder, sans s'engager sur les droits humains. Sur les droits humains à l'extérieur ou bien à l'intérieur aussi. Sur les différentes questions civiles qui sont toujours importantes. Une démocratie, on ne peut pas la laisser dans les mains des politiciens. Une démocratie, c'est à tous les citoyens. Et c'est là-bas où je pense qu'on a perdu l'Europe. D'un côté, c'est ce problème. De l'autre côté, c'est le problème de qu'il y a un décalage très fort entre l'éducation et les besoins des citoyens. Ce n'est pas seulement en Afrique, je pense que peut-être aussi ici. Ça, c'est à vous de le dire, pas à moi. Mais en Europe, il y a un décalage. Je vous explique. Moi, j'étais élève et on m'a dit... Être citoyen, ça consiste à aller chaque 4 ans et mettre un vote dans une urne, on dit. Voilà. Ça, c'est la démocratie. C'est ça qu'on m'expliquait dans les lycées. Et pourtant, nous sommes au 20e siècle. Ça ne suffit pas. Un élève ne peut pas recevoir cette information. Et nous, les adultes, pensons que le monde va s'améliorer. C'est-à-dire, la démocratie... c'est quelque chose de très sérieux. Pour faire une bonne démocratie, il faut que tous les citoyens, dès qu'ils sont petits, apprennent à contrôler les représentants et apprennent à limiter la représentativité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choix dans la vie que nous pouvons prendre nous-mêmes en tant que citoyens et pas déléguer ça sur les représentants. Et pourtant, les citoyens européens ont tombé à l'aise dans ces situations parce que l'économie était bonne, ils ont eu de bons résultats, ils ont eu l'argent, alors ils ne sont pas engagés à dire à ses enfants ce qui se passe dans le monde et à leur dire ce qu'on a acquis, on va les perdre si vous ne devenez des citoyens actifs depuis l'âge de 12 ans. Il faut tout contrôler, il faut s'engager, il faut comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas un métier simple, le métier de citoyen. Et le métier de citoyen, on doit l'apprendre à l'école. Mais pourtant, les politiciens aussi, on était intéressés à que l'éducation reste comme auparavant. Alors, je vois, et Amadou, il a visité les écoles chez nous, que nous avons... Le problème, c'est toujours à l'éducation à la base, dans une société. S'il y a une éducation où, en tant qu'enfant, tu apprends à participer... C'est que votre collègue qui sont ici sont en train de chercher. De vous faire exprimer, de vous faire sortir des choses. Voilà. Si on vit dans une société où dès qu'on est petit, on participe, on va faire des choses. Par exemple, j'ai fait un dernier exemple. Le téléphone que vous avez là-bas, la tablette, les matériels aussi que les professeurs ont ici, ça sont des armes pour créer un meilleur monde. Mais il faut les maîtriser. Comment pouvoir, avec ce téléphone que cette madame, mademoiselle a là-bas, comment pouvoir faire qu'il y ait plus de justice dans le monde? Que les Sénégalais puissent recevoir plus d'argent à la fin du mois? Et pourtant, il y a une façon de le faire. Oui, on doit utiliser la technologie, mais on doit se mettre ensemble, discuter beaucoup, penser et trouver la solution. Et la solution, il existe. Ensemble, on peut la trouver. Alors, malheureusement, dans notre éducation, ça a manqué. On ne nous a pas appris à participer tellement en Europe. Et en plus, on nous a mis dans la tête un mot qui c'est la concurrence, concurrence, concurrence. Et pourtant, souvent, dans le mot concurrence, caché, il y a la avarité, avarité, individualisme, individualisme. Comment travailler coopérativement, ensemble, quand dans la télé, même les professeurs, même tes parents sont en train de te parler d'être compétitif, de concourir. Alors, je signale des points que je vois, mais il y a sûrement beaucoup d'autres. Merci, M. Franco. Alors, Mademoiselle Sam, Big Sam, c'est à toi. Se prépare Ibrahima Gueye. Bonsoir, cher professeur. Bonsoir, cher élève. Je m'appelle Big Sam, je suis en classe de 3e B. Pour mon intervention, ça devient un peu intéressant puisque Moussey Blanco et Moussey Ba viennent de nous le dire et aussi de nous avoir confirmé en nous montrant des images claires et nettes. Des images qu'on n'avait pas à penser parce que pour moi, c'est la première fois que je vois ces images et je n'ai jamais pensé que ça aille en Europe. Et que c'est une information qui nous réveille. C'est le moment de se réveiller puisque en Europe, beaucoup de gens pensent qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de gens se tuent même pour aller en Europe. Puisque vous savez, Moussey Colombe vient d'Espagne et l'Espagne, c'est pas un peu proche du Sénégal. Et donc, vous savez que c'est un peu intéressant pour nous, les élèves. Puisque nous sommes l'avenir de demain. Nous serons les intellectuels de demain. Et donc, nous devons mettre du sérieux au niveau de notre travail pour que ça persiste bien et que nous allons faire comprendre aux gens qui se suicident en allant en Europe, en disant que si je ne pars pas, je vais me tuer. Donc, ça veut dire, en regardant les images, comme M. Ba vient juste de nous le montrer aussi, et de nous donner des informations claires, donc je pense que nous devons bien réfléchir et les gens qui avaient en tête de partir en Europe, puisque là-bas, les Européens qui vivent là-bas, les images que Moussey Colombe vient de nous montrer, ce sont des gens qui habitent. Je suis désolée, Moussey Blanco. Je suis désolée, je viens. C'est parce que je viens de faire avec Moussey Diop là ce matin. C'est parce que je viens juste de terminer avec Moussey Diop sur lycée Jo. On parlait de Pasteur et Louise Colombe. C'est pour cela que j'ai fait erreur avec le nom de Moussey, comment on dirait, Blanco. Oui. Donc, puisque vous voyez, comme je le disais, puisque vous voyez que on nous a montré des images. Ce sont des images de gens vivants, de gens qui sont nés là-bas, on les torture. Donc, vous savez, si on torture les gens qui habitent là-bas, puisque nous sommes des Ndianois, si on nous tortisait ici, donc ce n'était pas la peine que les autres viennent ici, puisque si on torture les habitants, donc les émigrés, n'ont même pas le droit de penser qu'on ne va pas les torturer aussi. Donc, je m'adresse précisément à vous, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas eu le sens qu'on a eu. On a eu le sens d'apprendre, d'avoir des connaissances, d'avoir des informations. Et je pense bien que à ce moment-là, le fait de pouvoir lire et écrire, c'est une chose un peu, comment on dirait, c'est une chose, comment ça encore? Importante. Thank you. Et que ce qui me touche de plus, c'est le déplacement de Monsieur Blanco, puisque c'est la première fois que je vois ce genre de déplacement. Et je ne sais pas qui a créé cette idée, mais ça m'a vraiment touché. Je suis émue. Je ne sais plus même quoi dire. Mais je voulais simplement vous dire, c'est le moment de se réveiller. En Europe, il n'y a rien du tout. Si ici au Sénégal, nous les intellectuels qui sont là, on doit faire tout l'effort d'apprendre et rester ici, investir dans notre pays. Puisque vous savez, tout ce que l'Europe a, ils l'ont pris ici au Sénégal, car nous avons fait cette leçon-là. Merci beaucoup. Ouais, je demande d'attendre un petit moment, parce que comme toi, tu es une fille courageuse, et faire passer la chose en premier. Oui, regarde, Amadou et moi, voilà. Quand nous nous sommes connus, Amadou et moi, il était beaucoup plus jeune, moi aussi. Et lui, il était encore étudiant. Il avait un rencontre d'élèves sénégalais. Pour apprendre mieux la langue espagnole. Ils ont dit, non, on veut apprendre bien la langue espagnole. Alors, ils sont rencontrés quelque part à Dakar, au lycée Laminguey, et là-bas, ils ont fait des théâtres en espagnol, des activités pendant 3 jours comme ça. Alors, je suis passé là-bas, et j'avais une caméra vidéo. Alors, je les ai offert, est-ce que vous voulez passer un message vers les élèves de l'Espagne, là où moi j'habite? Ils ont dit, bien sûr. Ils ont commencé à parler, mais à parler trop. Très bien, ces vidéos existent, c'est dans la net. Beaucoup d'entre eux sont actuellement des professeurs. Et c'est là-bas que j'ai compris que vraiment, il y a des choses à s'entreparler, les enfants d'un côté et de l'autre. Depuis 10 ans, on travaille sur ça, c'est difficile. Mais alors, toi, tu viens de parler comme ça. Et je pense, est-ce qu'il y a une fille en Espagne qui prend aussi, par rapport à la situation, le même courage, qui pourrait parler avec toi et arriver à penser ensemble, toi et elle, une solution pour un problème commun qu'on a? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu aimerais avoir une correspondance espagnole? Tu trouves ça possible? Bien sûr, puisque là où que j'étais, j'avais commencé les études d'apprendre à Diaobé, puisque je suis née là-bas. Je voyais que mes sœurs avaient des correspondances. Ils leur envoyaient ici des habits sénégalais et aussi ils leur envoyaient des machines, des téléphones portables. Ils faisaient toujours des échanges. J'avais toujours souhaité, c'était mon souhait, mais puisque dans notre école, on n'a pas eu cette chance-là, si vous le permettez bien, puisque je l'ai toujours rêvé, je serais ravie d'accepter votre proposition. Merci beaucoup. En fait, si bon, on peut là, s'il vous plaît, ne gâchez pas encore une fois notre après-midi. Effectivement, suivez un peu, s'il vous plaît. En tout cas, suivez, s'il vous plaît, là. Il faut suivre. En tout cas, mademoiselle Samb vient de faire une belle démonstration de ce qu'on appelle chez nous la parité, bien sûr, entre les hommes et les femmes. Cette fille, c'est en elle que trouve le sens de ce qu'on appelle la parité. Et je vous exhorte à faire, bien sûr, comme elle. Nous sommes charmés, comme on dit, bien sûr, de cette diction, premièrement, et également de cette audace de pouvoir s'exprimer face à vos camarades. Souvent, ça constitue votre plus grand hic. Mais c'est absolument rien. C'est l'audace, bien sûr, qui va vous mener vers de bons résultats. Alors, encore une fois, en mon nom, je m'associe, bien sûr, à l'ensemble des collègues ici, pour vous dire encore une fois, du courage, tu pourras faire, bien sûr, du feu et bien sûr de la flamme dans l'avenir. Alors nous passons directement à Ibrahima Gueye et nous demandons à Maïmouna Dieng de se préparer. Bonjour. Bonjour chers élèves. Bonjour chers professeurs. Je crois qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes contents de cette rencontre mise au point par M. Blanco et M. Ba et d'autres professeurs. Ce que je veux rajouter, c'est que nous, les Sénégalais, nous ne connaissons pas notre vraie valeur. Parce que tous les Sénégalais ont l'idée en tête d'aller en Europe, en Espagne. Ils croient que là-bas, c'est la noblesse. Aller remplir les postes et revenir. Alors que ce n'est pas là. Aussi, ce que je veux dire, c'est que ici au Sénégal, il y a des ressources. Ici, même au Sénégal, qu'on doit exploiter. Ici, il y a des ressources qu'on doit exploiter. Les Sénégalais croient que les Sénégalais qui veulent aller en Europe, ils croient que ils ne connaissent pas que ils ne connaissent pas la vraie vie qui existe là-bas. Parce que comme M. Blanco vient de nous montrer sur l'image, il y a des Sénégalais là-bas qui sont tortillés. Il y a même des Espagnols qui habitent là et on les torture. Comme l'handicapé qu'on vient de montrer ici en image. Ça doit nous renseigner. Et aussi, nous les élèves qui sont ici présents, après avoir puisé ces informations, c'est à nous de les transmettre à nos frères et à nos grands frères qui veulent aller en Europe, comme on le dit, Barça ou Barça. Merci beaucoup. Mais là, vous là, dites-moi, qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on suit un peu là, on va avancer rapidement, on va avancer. On n'a vraiment rien à rajouter, sinon qu'on est ravis vraiment d'entendre ces beaux mots-là sortant de la bouche de nos potages, comme on dit. Cela bien sûr, montre carrément qu'il y a de bonnes choses qui se font ici. Et voici donc les résultats que nous commençons à vivre ici, en direct, bien sûr, dans cette auguste assemblée-là. Je demande à mademoiselle Maïmouna Dieng de se présenter. Après Maïmouna Dieng, il va se passer avec El Hadj Mbaye Seck. Ah ouais, très bien. Bonsoir ces élèves, bonsoir ces professeurs. Et dans souhaiter les bienvenus à M. Raphaël, dans dire que nous sommes très contents sur cette initiation, car depuis qu'on est dans cette école, on n'a jamais vu cette initiation dans cette école. Et nous le souhaitons bien qu'on continue cette initiation. Et d'en parler sur les immigrés, comme l'a montré notre cher professeur, d'en montrer des images en nous disant l'histoire qui se passe en Espagne, de dire que la vie des immigrés est très difficile et que nous disons que de rester dans notre pays, d'investir nos biens et de bien travailler au lieu de partir à l'extérieur pour travailler ni d'investir là-bas, car si on investit dans notre pays, on peut avoir plus de biens que. Donc nous souhaitons bien que les Africains restent dans leur pays et que chacun d'entre eux reste dans son pays pour bien préparer leurs biens. Merci. Alors, c'est très bien, mademoiselle. Je crois que ça va arriver dans l'oreille, bien sûr, des gens qui vont réagir en conséquence. Alors, je demande à Mbaye, est-ce qu'il est encore? Et va revenir Djaba. Fulbeh Holko, patronne, Pouen Kouhien Djaba, visiblement. Yoar, il faut qu'il vienne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, cher professeur. Je m'appelle El Hadj Mbaye Seck. Je pense que vous me connaissez mieux. Je pense que Bigué Sambou et comment dire, Ibrahima Diop m'ont marché sur la langue. Et je pense que c'est pas l'intéressant, c'est pas de répéter ce qu'il vient de dire. Et puis j'ai des questions à poser. Par exemple, pour des étudiants comme moi qui ont rêvé de continuer leurs études à l'extérieur, est-ce qu'il y en a des étudiants qu'on a sachés ces œufs en Europe? Parce que tout à l'heure, d'après les conseils que j'ai écrits, j'ai tout mentionné. J'ai entendu que vous venez de me dire qu'il y en a des Européens qu'on a cherché chez eux. Est-ce qu'il y en a des étudiants ou bien des élèves qu'on a cherché chez eux? Et puis, puisque... Non, en Europe. Puisque nous, les élèves, il y en a certains qui ont les rêves d'aller en Europe et continuer les études là-bas. Et si on sait qu'il y en a des étudiants qu'on a cherché chez eux, nous, on va se préparer ici et rester ici. Voilà mes questions. J'ai des questions, mais je pense que je vais essayer de limiter les choses parce qu'il y en a certains, je pense. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on voit qu'il y a des étrangers qui viennent dans les collèges pour sensibiliser les élèves ou bien pour essayer de nous montrer certaines choses. Est-ce qu'il y en a des Sénégalais qui font cela en Europe? Et comment les Sénégalais vont faire pour le faire en Europe? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour développer notre Afrique? Et qu'est-ce que les Européens peuvent faire pour nous? Voilà mes questions. Merci. Alors ne parle pas, c'est mieux comme ça. Si tu restes ici, c'est plus facile de te répondre. Parce que peut-être il y a des choses que je peux oublier. Alors la première question c'est... Les élèves... Est-ce qu'on déloge les élèves et les étudiants là-bas? Voilà, d'accord. Il y a eu des différents moments. Il y a eu des moments où il y avait des élèves qui ont parti là-bas. Il y a eu aussi le cas des élèves qui ont resté. Ils ont eu une visa pour étudier, mais ils sont restés dans le pays de façon illégale. Alors, ça a fait que l'ambassade donne moins de visas. D'accord. Mais en tout cas... Il y a des accords dans la région, le plus proche que je connais, c'est l'Université de Saint-Louis. L'Université de Saint-Louis a des échanges. Et actuellement, il y a deux professeurs d'espagnol à l'Université de Saint-Louis que je les ai connus aux îles Canaries en tant qu'élèves. Ils ont été élèves, ils sont venus aux îles Canaries pour étudier. Et alors, il y a toujours des possibilités. Il faut travailler pour ça. Mais quand même, finalement... Nous sommes sans frontières, nous devons nous battre pour que les élèves d'Espagne viennent ici à étudier, puissent passer ici à étudier, et au contraire aussi. Même s'il y a des difficultés, je pense que moralement, nous devons travailler pour ça, parce que évidemment, toi tu veux sortir à étudier à l'extérieur, pourquoi on t'empêche ça? C'est pas juste, n'est-ce pas? Moi, si je vais étudier au Sénégal, je dois avoir aussi la possibilité de le faire, n'est-ce pas? Un année, deux ans, trois ans, voilà. La deuxième question, ça a été à propos de... Les Sénégalais qui font les mêmes initiatives là-bas. Quoi. Voilà. Amadou, c'est un exemple vivant et présent. Il a passé chez nous à sensibiliser l'agent en disant, regardez, il ne faut pas seulement voyager en France, aux États-Unis. Il faut voyager en Afrique. Il a des connaissances ici qui restent cachées par vous parce que vous ne venez pas. Ça, c'est une conférence qu'Amadou a donnée. Notamment en 2010 et en 2012, mon séjour aux îles Canaries, j'ai fait le tour de plusieurs écoles. Avant de partir, j'ai fait des investigations sur la société, sur l'éducation, sur la santé, sur la culture, et j'ai fait un diaporama. Et j'ai contacté des lycées pour faire le tour des lycées, pour faire des projections de films. Parce que, par exemple, surtout en Catalogne, à Tarragona, j'ai fait là-bas plusieurs villages même, pas villes. J'ai fait, par exemple, Altafouille, à Santa Coloma, des villages catalans où on parle peu d'espagnol. Maintenant, et puis la sensation que j'avais, parce qu'ils croyaient que le Sénégalais, ce qu'il peut faire, c'est tout simplement venir vendre dans la rue. Parce que les élèves étaient émus. Quand ils me recevaient, j'étais en train, avec un diapo, de les expliquer, de les montrer des images, de les parler, les rater mon pays. Et j'ai préparé mon exposé et ce que j'ai mis, c'est tout simplement ce qui épouse les valeurs. Ça, je voulais les montrer que nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs et à part nos valeurs, eux, ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Et aussi, je voulais aussi les montrer que tout ce que les chaînes de télévision comme France 24 les montrent, ce n'est pas ce que nous avons. Nous avons des valeurs, nous avons des points positifs, mais malheureusement, eux, ils ne reçoivent pas ces informations. avec vraiment mon initiative, j'ai pensé vraiment faire le tour de certaines écoles, initier des élèves, et dans certaines localités de Catalogne, bon, des parents même, m'ont même trouvé, à Santa Coloma de Queralt, des parents m'ont trouvé dans un bar. Et j'étais là-bas. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est toi Amadou? J'ai dit, oui, c'est moi quoi. Ah ok, les bon, ils étaient très contents, ils voulaient vraiment me recevoir pour échanger avec eux quoi. Mais entre guillemets aussi, je vais expliquer, quand on parle de bar, ce n'est pas partir prendre la bière. C'est ça, ça dit bar là-bas, ce sont des restaurants, on vend tout. Boissons alcoolisées, on va boissons sucrées, et puis ce sont les seules localités qu'ils ont eux, les localités publiques, pour pouvoir partir, bon, prendre quelque chose quoi. En grosso modo, ça. Et puis chacun d'entre vous peut faire ça un jour. Une fois voyagé, chacun d'entre vous peut profiter de l'occasion pour passer dans les écoles, pour les informer sur la situation de notre pays. Mais surtout, il faut parler des valeurs que nous avons. Il y avait encore une autre question. Les initiatives que vous venez de faire là, est-ce qu'il y en a les Sénégalais qui nous font là-bas? C'est déjà répondu. Qu'est-ce qu'on va conseiller les élèves qui veulent partir en Europe et continuer les études là-bas? Qu'est-ce qu'on va conseiller les élèves qui veulent continuer les études en Europe? Oui, de ma côté, les seuls conseils que je peux donner, c'est de... Pendant que tu postules pour aller étudier à l'extérieur, pendant qu'on te permet ou on ne te permet pas de le faire, il faut amener l'extérieur ici, à travers des appels téléphoniques, à travers de l'Internet, à travers des travaux ensemble avec des enseignants qui sont engagés comme ceux qui sont ici. Parce que on a les téléphones, on a les appareils, mais on n'arrive pas à les bien en profiter. Hier, on a fait une séance avec un groupe de quatrième et ils ont fait une vidéoconférence avec un groupe en Espagne qui Amadou a contacté. Ils ont commencé à parler. Ce n'est pas la même chose parler espagnol dans une classe. Nous sommes 54, nous sommes découragés, nous voulons émigrer, nous n'avons rien. Que parler directement avec des enfants de l'autre côté, les poser des questions. Et finalement, même prendre des actions ensemble. Je donne le seul exemple que je peux donner. Les lycées de Sagata Yolof, ils ont commencé à échanger avec un lycée en Espagne. Ils ont commencé à échanger avec des vidéoconférences. Ils ont fait même d'enregistrement de ces échanges et l'ont passé dans la radio. Alors les gens ont commencé à avoir du courage de faire plus de choses. Et c'est les enfants de Sagata, les élèves de Sagata, avec ces professeurs qui ont allé chez les ministères chercher de l'argent. Et les élèves espagnols, ils ont allé chercher de l'argent ici, aussi là-bas. Et finalement, ils ont trouvé l'argent. Il y a des professeurs qui ont complété, ont cotisé. Et avec cet argent qu'ils ont ramassé, ils ont pu payer un voyage pour des professeurs et des élèves de Sagata Yolof. Ce n'est pas la coopération américaine qui l'a fait. Non, la coopération espagnole non plus. Sont les gens qui ont communiqué, qui ont créé les moyens. Alors c'est pour dire que si vous communiquez directement avec les enfants de l'autre côté, vous pouvez créer des conditions et des choses. Et même aussi, vous pouvez stopper les paradis fiscaux ou les banques mondiales ou les fonds monétaires internationaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. Alors donc pour boucler juste... la série des interventions, repassons la parole à Diaba et puis retourner la parole ici, histoire de finir en apothéose. Allez. Alors, tantôt vous venez de me balancer une réponse par laquelle je perçois. Tantôt je viens de recevoir une réponse par laquelle je perçois que l'immigration fait partie des grands points de votre discours. Maintenant, soyons d'accord que tout individu souhaite être véhiculé et d'avoir peut-être un véhicule, une maison. Alors, quels sont vos arguments envers votre thèse, c'est-à-dire ce qui vous pousse à vouloir éradiquer le phénomène de l'immigration, qui est aujourd'hui le phénomène le plus rapide de s'enrichir de la fortune pour être aussi accéder aussi à la hauteur de ses besoins. Voilà, merci. Merci alors, monsieur. Allez. Vous avez compris la question, je crois. Allez, bon, vous pouvez répondre. Question, oui, tu peux répondre. Quoi? Bon. Bon, c'est important parce que... Madame, tu bouges un peu. Bon. Bon, nous revenons. Moins de bruit, le débat se passe ici. Vous écoutez. Parce que c'est ce que je dis toujours, vous avez un problème pour écouter. Parce que dès l'empame du propos de M. Blanco, il a dit qu'il n'est pas là pour défendre ou bien il n'est pas là pour interdire de voyager. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est ne pas interdire, c'est ne pas encourager. C'est de permettre à tout un chacun de choisir. Le choix, vous avez le choix. Vous avez le choix de rester au Sénégal, d'étudier, d'essayer de réussir au Sénégal. Vous avez le choix de partir, de voyager, d'espérer trouver des lendemains meilleurs ailleurs. Mais en quoi faisant, il faut avoir la bonne information. Il faut savoir, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est quoi l'Afrique? L'Afrique a apporté quoi à l'humanité? Qu'est-ce qu'on peut trouver en Afrique? Qu'est-ce qu'on doit faire en Afrique? Et après dire, qu'est-ce qui se passe en Europe? Je suis sûr et certain que beaucoup de gens ne savaient pas que les Européens aussi sont des moudes. Par moi, je viens d'apprendre ça ici. Je n'ai jamais su qu'un Espagnol de souche comme Raphaël pouvait être moudes. Il y a des Espagnols qui sont moudes. Et nous sommes des moudes. Donc, il faut avoir la bonne information, savoir ce qui se passe en Europe. Là, dans la vie, c'est quoi une frontière? J'ai parlé la fois dernière de l'esclavage quand c'est intellectuel. J'ai parlé de frontières quand c'est mental. Il n'y a pas de frontières physiques. Nous, notre cause, c'est de montrer aux gens que quand on est emprisonné, c'est parce que c'est dans l'esprit. Je vous renvoie aux chansons de Robin Est Marley. C'est quoi l'esclavage? L'esclavage, ce n'est pas avoir des chaînes ici. L'esclavage, c'est dans la tête, dans votre cerveau. Si nous acceptons que nous sommes des esclaves, nous sommes pauvres, on ne peut pas nous sauver. Nous sommes pauvres. Si nous acceptons que nous sommes des gens voués aux gémonies, nous devons, grâce à notre culture, nous devons, grâce à notre connaissance, nous devons savoir, grâce à nos valeurs, que nous sommes, au même titre que les Européens, les Anglais, etc., de simples mortels, des êtres humains, qui sont capables de générer leur propre richesse. C'est ce que nous voulons dire ici. Ne partez pas chez vous pour dire qu'on a essayé de vous interdire d'aller en Espagne. Personne n'a dit ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse réussir ici. Si on a envie d'aller passer nos vacances à Mbadakhoun, on prend le billet, on va à Mbadakhoun. Si on a envie de passer nos vacances aux îles Canaries, nous allons aux îles Canaries. Si nous avons envie de passer nos vacances aux États-Unis, on fait la même chose. Ça, c'est la liberté. Mais vous savez, quand vous dites que non, si je ne vais pas aux États-Unis, je resterai pauvre, ça veut dire que dans la tête, vous n'êtes pas encore libéré. Moi, je préfère mon tiéboudjien aux hamburgers des États-Unis. Et maintenant, si j'ai envie d'aller aux États-Unis pour manger des hamburgers, Inch'Allah, j'irai aux États-Unis pour manger des hamburgers. À 18h, je reviendrai au Sénégal. À 19h, je prends mon jet privé et j'irai en France. C'est ça notre leitmotiv. C'est ça l'envie de notre. On passe la parole. On va finir avec les collègues. Il y a M. Diop qui redemande la parole. On va lui céder. M. Diop. Donc, je dis rebonsoir à... Donc j'allais dire rebonsoir à tout le monde. Et je vais un peu interroger l'histoire. Hein. J'espère que je parle sous le contrôle de M. Kahn. L'Afrique a été pendant très longtemps le continent le plus convoité. L'Afrique a été pendant très longtemps ce continent le plus exploité. On a vécu l'esclavage. On a vécu la colonisation. On a vécu les guerres qui sont indirectement des causes étrangères. Parmi tant d'autres méfaits, tels que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jour, et toujours est-il qu'on nous balance des théories, telles que village planétaire, et que toujours est-il qu'on ne peut pas mettre le pied en Europe. Est-ce que vraiment ces Européens, ils ne sont pas là en train de nous leurrer? Au moment où après des centaines, des décennies d'exploitation, ils nous disent que maintenant, restez chez vous. Moi, je consens bien, c'est l'idée de rester chez nous. Certes, il faut cultiver son jardin, comme le dit Voltaire. Uh-huh. Et je dirais à Diaba qu'on peut bien faire sa voiture ici au Sénégal. On peut faire des immeubles au Sénégal. Il y a des gens qui sont s'enrichis ici, au Sénégal. Oui, n'est-ce pas? Oui. Je vous dis que, il faut croire en notre sénégalité. On est des Sénégalais à part entière. Et on croit qu'on peut rester ici, tous ensemble, développer notre État, sans dépendre de l'Europe. Oui. Alors, c'est bien dit ici. J'espère que, suivez s'il vous plaît là, j'ai la voix qui ne peut plus. Alors, j'espère que nous sommes arrivés au terme donc de cet entretien, de cet échange ô combien important, bien sûr. Je crois que nous avons tous appris ici beaucoup de choses. Alors, ce flash là, ça me... Voilà. Je dis que l'objectif de tout ceci, je le rappelle encore, ce n'est rien d'autre que faire passer l'information. C'était juste ça qui nous animait dans cette initiative-là. Nous avions encore une fois, je le rappelle, dit qu'on va mettre à profit la présence de M. Rapaiello ici. Pourquoi pas? Pour juste avoir de sources sur les réalités qui se passent là-bas. J'aurais beau expliquer ça, Abbas l'aurait bien fait, l'autre là-bas l'aurait bien fait, mais il va rester toujours une dose d'un complément. Alors lui, il l'a fait, puisqu'il vient du milieu. Encore une fois, mettez-vous dans la tête qu'il s'agissait simplement de vous donner la bonne information pour que demain, les décisions que vous aurez à prendre ne seront pas des décisions qui seront encore regrettées par vous-même. Donc c'était uniquement l'objectif de cela. Et je remercie bien sûr vous tous les élèves qui êtes venus si nombreux, bien sûr, pour assister à ceci. Vous pourriez refuser, rester chez vous, et s'il n'y avait pas vous, il n'y aurait rien. Puisque vous êtes là alors, nous supposons que notre but a été atteint. Et les collègues également, j'aurais bien sûr à les remercier tous qui est venus assister, M. Boy, M. Marc vient partir. Et ces autres-là, je ne les remercie pas, puisqu'ils sont bien sûr du milieu. Alors, avant de terminer, je vais demander à M. Raphaël s'il n'a pas un dernier mot à lancer Bon, bonsoir. C'était juste vous remercier et de vous dire, voilà, chacun... Aujourd'hui, on a réussi quelque chose, parce qu'on a réussi de créer un point central pour nous rencontrer, nous tous, pour que chacun extériorise ce qu'il a en lui. C'est important. Aujourd'hui, Raphaël est là, il nous a exposé la situation socio-économique et la situation des immigrants, la version Toubab. Maintenant, les collègues aussi, chacun a donné sa version. Et voilà, et il faut aussi... prêtez attention à ce que Diop vient de dire, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi ici, qui n'ont jamais dépassé Touba ni Louga. Là où ils ont réussi, ils ont eu des milliards, ils ont eu beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la tête, quand je ne voyage pas, je ne vais pas réussir. Et pour vous dire, nous avons des amis espagnols. En 2010, quand j'étais à Tenerife, il y avait Julio, un ami, il travaille dans une boîte où il y a beaucoup d'argent, ce qu'on appelle corte inglés. Il était à l'aise, vraiment, il était clean. Maintenant, en 2012, j'ai demandé à Julio, on m'a dit non, Julio n'est plus en ville, maintenant il vit dans la montagne. C'est-à-dire, il a perdu son travail, maintenant il fallait maintenant trouver une autre alternative. Julio était parti dans une montagne, là il a fabriqué sa cabane, maintenant il a créé des terrasses pour cultiver de quoi manger. C'est là où il vit avec sa petite famille. Donc c'est ça, c'est une chose très concrète. Une autre chose qui est très importante. En 2012, j'ai pris le tram, j'ai rentré à la maison Rafa, qu'est-ce que je t'ai dit? Les visages que j'ai vus aujourd'hui sont des visages tristes. Qui voient les Touabs dans le tram, ils sont comme ça, tristes. Il leur manque le sourire. Regardez, c'est que psychologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la crise, il n'y a plus d'argent. Parce que quand on avait l'habitude, parce que l'Européen, il avait l'habitude, hein, de, par exemple, de conduire une belle voiture, les jeunes fréquentent les boîtes de nuit les plus chères, consommer les bières les plus chères. Hein? Il avait de l'argent. Mais quand on a cette habitude-là, maintenant, à un moment donné, maintenant, boum, tu n'as plus ça. Il faut vous dire, il y a même des Européens maintenant qui cherchent à manger dans les poubelles. Dans les poubelles, je vous dis, dans les poubelles. Le matin, ils cherchent dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger. Maintenant, et ça, ce qu'il a créé, c'est grave. Maintenant, quand moi-même, qui est citoyen de ce pays-là, maintenant, bon, qui avait une situation meilleure, maintenant, je n'ai plus l'accès à l'éducation, je n'ai plus l'accès à la santé, je n'ai plus la facilité de trouver quelque chose à manger. Et je vois celui-là, c'est un étranger, il conduit une très belle véhicule, et là, naturellement, le racisme, ça va se naître en moi, et je ne vais pas hésiter à le tuer. C'est ça. Donc, ce que je vous demande, on vous encourage, et vraiment aussi, c'est un moment très important. L'essence, c'est un moment d'apprentissage très important, parce qu'aujourd'hui, ça vous a permis vraiment de s'exprimer librement. Et ça travaille l'expression, mais aussi surtout au niveau de la culture générale. Et ça va vous servir. Et vraiment, on vous remercie. On vous encourage aussi de continuer à faire ça, de fréquenter les clubs. Et vraiment aussi d'humaniser les relations entre élèves et professeurs. C'est très important. C'est très important. Parce que quiconque qui croit, il y a un professeur et son ennemi, il se trompe. Tout professeur qui est là, son intérêt, c'est que tout le monde réussisse. Parce que taille. Ce résultat, c'est une barre. Mais partout, moi, Louga, moi, Dakar, moi, Gigantior, moi, Bamako, moi, Fip, l'Union, les parents, sous barre, nous sommes à Jambarling. Le résultat, c'est que nous sommes à Jambarling. Sous barre, nous sommes professeurs à Jambarling, Jangleou. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, nous sommes intérêts moyens de réussir quoi. Donc, c'est ça. Donc, il faut essayer maintenant d'humaniser les relations entre vous et vos professeurs qui sont vos frères. Et voilà, aujourd'hui, ils ont laissé leur temps. Diop, il a autre chose à faire. Hein? Wilan, même chose. Hein? Mais ils ont laissé leur temps maintenant pour venir, pour vous accompagner, pour échanger avec vous. Maintenant, on vous remercie, on vous encourage vraiment aussi d'humaniser les relations et félicitations à tous. Merci. Alors, merci Amadouba. On passe directement à Wilan. Oui, merci à tout le monde. Merci à l'Assemblée. Alors, je vais rebondir tout simplement sur la question de... comment il s'appelle encore? Diaba. Tout à l'heure, il disait que, bon, puisque c'est le moyen le plus rapide pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Alors, je te dirais que même si c'est le moyen le plus rapide pour avoir de l'argent, c'est le moyen le plus rapide encore pour s'appauvrir. D'accord? Parce que tout simplement, vaut mieux... Parce que ça, ce n'est pas de façon continuelle. Alors, imaginez, aujourd'hui avec les TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous pouvez rester au Sénégal et étudier à partir de l'Europe. Vous pouvez faire des cours ici, au même moment, n'est-ce pas, que les Espagnols en Europe. Vous pouvez faire des cours au même moment que les Américains aux États-Unis. Vous pouvez faire des cours au même moment que les Japonais, n'est-ce pas, au Japon. Il s'est trouvé que même à l'IGB, il y a des étudiants qui ont eu, n'est-ce pas, le diplôme canadien tout en restant au Sénégal. Et ça, c'est par le biais de l'informatique. Alors, si toutes ces informations-là sont, n'est-ce pas, là au Sénégal, alors vaut mieux quand même de s'en profiter pour exploiter cela. La médecine, c'est à l'université Cheikh Anta Diop. Les Marocains, ils viennent là pour faire de la médecine. Parce que tout simplement, il y a un enseignement de qualité ici au Sénégal. Oui, il y a un enseignement de qualité. Vous ne comprendrez pas. Vous allez comprendre et vous aurez le temps même de comprendre. Merci à tout le monde. Merci. Alors, monsieur Diaw, un dernier mot, Diaw. Un dernier mot. Voilà, je m'inscris dans la même démarche que mes prédécesseurs. Remercier tout le monde pour vraiment cette belle initiative qui nous a permis d'engranger pas mal de points. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que des talents se sont révélés. Il y a certes quelque part où il faudra redresser, mais quand même on a conscience de ce qui nous attend. Et c'est l'essentiel. On ne pouvait pas savoir cela sans organiser de manifestations d'une telle envergure. Donc aujourd'hui, vraiment, on a de la matière. On remercie vraiment les initiateurs de cette activité. Et comme je l'ai dit tantôt, nous souhaitons la pérennisation et sinon la multiplication même. Parce qu'en fait, c'est des activités qui nous permettent vraiment d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, on sait que on n'a pas tous les moyens, mais quand même avec de la volonté, on peut réaliser pas mal de choses. Et vous conviendrez avec moi que réellement, ceux qui sont au devant l'ont été parce qu'ils ont pris la conscience du phénomène quand même qui les limite. Donc aujourd'hui, un grand merci donc à l'endroit de Raphaël Blanco, mais aussi les collègues qui sont là et qui ont tenu le coup. Réellement, ils se sont beaucoup investis et le résultat est là. Et cela ne manquera pas aussi de se manifester très prochainement. Et réellement, donc nous vous invitons à vraiment investir, sinon prendre en compte tout ce que vous avez reçu comme information et pour que cela fasse tasse d'huile, n'est-ce pas, dans un avenir proche. Donc c'est sur ces mots-là que je vais vous dire. Voilà, merci. Alors on va terminer avec Monsieur Blanco. On lui remet juste la parole. On écoute un peu. Bueno, alors, c'est intéressant en tant qu'Espagnol écouter en Espagne Amadou, Amadouba. Peut-être c'est intéressant aussi écouter à Raphaël Blanco ici au Sénégal. Mais c'est plus intéressant pour vous, je pense, écouter à des élèves de la même âge que vous directement. En tant que les frontières sont là, même s'ils ne sont pas dans nos têtes, on a les ordinateurs. Et vous pouvez commencer à échanger directement avec des collègues de l'autre côté. Là-bas, ce n'est pas Raphaël qui va te répondre. Tu vas lui dire, mais Maria, est-ce que c'est vrai qu'il y a des Espagnols qui cherchent de la repas dans la poubelle? Pas de honte pour poser des questions. On pose des questions. Est-ce que Maria, c'est vrai qu'avec l'agent âgé, les anciens, vous les mettez dans des prisons? Vous pouvez poser des questions et c'est quelqu'un de votre même âge qui va vous répondre. D'accord? À l'avenir, le désir, ça serait que ça pourrait donner un mouvement internationaliste. Parce que les problèmes que nous avons, tant en Espagne comme ici, comme partout, sont des problèmes internationaux. Ce n'est pas possible de prendre l'origine du problème de la côté d'Espagne ou de la côté de Sénégal. Il faut travailler de tous les côtés. Et actuellement, ce n'est pas possible parce qu'il n'a pas l'éducation. Mais c'est vous qui pouvez construire ça. Alors les professeurs, ils pourront faire quelque chose. Mais c'est vous. Pour communiquer avec l'Espagne, vous devez prendre l'initiative. L'Espagne, le Canada, le Kenya, le Sud-Afrique, il y a des personnes partout. Et c'est vous les personnes qui sont valables pour faire n'importe quel changement dans le monde. Et voilà, finalement, on revient à la question. La question, c'était les immigrants espagnols et les immigrants sénégalais, ils se retrouvent où? C'est quelle la destination? Est-ce qu'il y a une destination commune? Actuellement, je connais pas mal de Sénégalais qui sont en train d'émigrer, pas en Europe, mais à l'Amérique du Sud. Brésil, Argentine, Équateur. Et j'ai mon cousin, il est en train de travailler en Brésil. J'ai des amis qui sont en train de travailler en Équateur. Alors quelque part, maintenant en Amérique du Sud, il y a des travailleurs, des immigrants sénégalais et des immigrants espagnols qui sont ensemble. Pour dire aussi que l'anglais et l'espagnol, ça peut vous servir, n'est pas seulement pour parler avec les Espagnols, mais aussi avec l'Amérique du Sud. Nous sommes dans le Sud, l'Afrique, et l'Amérique est au Sud. Mais actuellement, ils sont en train de bouger beaucoup dans l'Amérique du Sud. Pourquoi pas se communiquer et s'en bénéficier? C'est tout, merci. Voilà. Hey, les membres du CEF, vous vous réunissez au niveau de la salle 2, troisième, rapidement. Les membres du CEF. On se retrouve ici rapidement. Tu peux stopper?